Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, RQC1 et RQCN, vous êtes bien dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Et on est avec une équipe réduite ce soir, alors ah ouais. Harry n'est pas là pour l'instant. Ce qu'il nous a dit, j'arrive dans 20 minutes, il y a de ça une demi-heure. C'est 20 minutes à la française. C'est ça. Donc comme vous avez reconnu sa belle voix douce... Et on n'a pas encore entendu son rire d'Otari. Hein. Non, pas encore. On va attendre un petit peu. Vous avez reconnu donc Onissa. Bonsoir Onissa. Hello Sherlock, comment tu vas? Ben ça va et toi? Super. On est qu'à deux, les deux rescapés. Bah oui, parce que Canon est en vacances. Ouais, enfoiré. Dégoûté. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait assez froid, lui est parti en Espagne. Ouais. Donc au moins il est dans le nord, mais dans le nord de l'Espagne. Ouais, voilà, c'est ça. Flipkat n'est pas là apparemment. Lui est dans le nord, mais dans le nord. C'est ça, mais lui il est dans les bouchons en plus, je crois, le pauvre. Donc, alors, on va pas le plaindre non plus. Hein, c'est vrai, bien fait pour lui. Il n'y avait qu'à partir avant. Voilà. Voilà, donc ce soir, oui, effectivement, soirée un peu spéciale. Des gens. Sexe ? Ah non, pardon, excusez-moi. C'est ma langue à la fourchée. Non, Canon n'est pas là. Ah bah oui, t'as dit soirée spéciale. C'est Halloween, quoi. C'est vrai. Non, rien à voir. Ah bon, bah tant pis, on va revenir sur Terre alors. Rien à voir. Enfin, bien que j'ai préparé quand même quelques petits titres. Bah oh, ouais. Oh, pour... ouais quand même. Non, mais pas sexe. Ah, pardon. Mais Halloween. Non. Tu dis, bah j'ai quand même préparé. Oh, oui, non, d'accord. Pas pour le sexe, pour Halloween. Ouais, bah pourtant demain c'est congé, merde. Ouais, bah écoute, je te ferai peut-être une autre playlist demain. Oh yeah. Alors non, effectivement, ce soir on va recevoir un groupe qu'on recevra donc juste après la coupure musicale. Enfin, c'est même pas un groupe, c'est une association, c'est l'ASBL Party Song. C'est une association de communes Belgique. Précisons. Ah, ils sont déjà chauds autour de la table, attention. Ah, ouais. Ah, nous avons entendu une porte. Ouais, ouais. Ah, génial, donc Harry vient de faire irruption dans les studios. Allô Harry, te voilà enfin. Alors donc oui, effectivement, on va recevoir donc juste après la coupure musicale l'association Party Song. Bon, ils nous en diront un peu plus d'eux-mêmes tout à l'heure. Ouais. Ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Ce qu'ils font pas, voilà. Alors et Dieu sait qu'ils font de belles choses. Et voilà, vous avez entendu la douce voix de Harry. Ok. Alors donc, est-ce que tu as une chronique ce soir, Onissa? Ah non, une fois tous les 15 jours. C'est vrai. La semaine dernière, tu nous avais gratifié d'une chronique sur Albator. Oui, que vous n'avez pas écouté du tout, mais c'est pas grave. Mais si. Mais si. Oui, toi, tu as suivi. Les autres, ils m'ont ma chronique. J'ai été poli. Ne t'inquiète, j'ai l'habitude. Donc, moi, je viendrai à 21h. Enfin, je reste là de toute façon pour l'émission, mais je ferai une petite chronique ciné-rétro 80 à 21h. Yeah. Donc, j'essaierai de vous faire deviner un film des années 80. Et à 22h, je ferai les sorties ciné de la semaine. Voilà. Super. Alors, on va se retrouver tout de suite après donc une coupure musicale qui va intervenir tout de suite, en fait. Avec Ray Parker Jr. et Ghostbusters, forcément, ah bah c'est ouais, pour Halloween. C'est Halloween. Et ensuite, on viendra avec David Bowie et Ashes to Ashes. Yeah! Allez, c'est parti! Yeah. running through your head. Who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. I've never done good things. Bonjour, je suis Rita et je le reste. C'est Claude Barzotti et vous êtes sur la radio 80 à l'heure sur RQC. Je vous aime. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant. Vous êtes toujours j'en voulais un peu à mon père. Dans 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Ah bah alors attends, tu vas mettre la seconde déjà. Tu vas mettre la seconde. On est dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Ouais. Comme bah, tous les mardis soirs. Bien, ça lui faisait une voix sensuelle. Ouais, ouais, une voix de stentor. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait Barry White, mais plutôt White que Barry. Mais bon. C'est vrai que. Bah non, mais c'est vrai qu'Onissa préfère Casimir. Donc après. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, il nous le fait bien aussi, Casimir. Tu l'as fait pour nous inviter, non, Casimir. Pas non, pas encore. Ah bah vas-y, allez, allez, fais-nous la surprise. On adore ça. Allez, vas-y. Alors. Vous êtes toujours dans 80 à l'heure sur l'émission. Enfin, non, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Alors, hey, quand même, c'est excellent parce que c'est le seul mec qui arrive à avoir une voix comme ça sans prendre d'hélium. Vous avez remarqué? C'est ça, ouais. C'est la voix. Non, ouais. Eh bien, oh, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Harry, tu es enfin arrivé? Eh oui, bah oui, mais j'ai un métier, moi. Je sais pas ce que c'est. Il y a pas longtemps. C'est pas Romuald qui va me contredire, hein, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr. Mais qui était en congé lui aujourd'hui, donc bah, j'ai dû traiter ses dossiers toute la journée, donc c'est pour ça que j'ai pris du retard. Hein, c'est ça, Romu? On va dire ça. On va voilà. Dire ça. Donc vous avez présenté. Tu dis tout... pas le bordel qu'il va avoir quand tu. Pas du tout. Jeudi, hein. Non, non, on a présenté personne. J'ai juste dit qu'on était avec l'association Party Song aujourd'hui. Donc, ben, on t'attendait justement pour présenter l'association. Ah bah oui, mais alors mais moi c'est une vraie découverte, hein, parce que sincèrement, moi je connaissais Romuald du groupe Party Song. On connaît aussi Emeric également qu'on a reçu dans les studios il y a quelques années. Emeric qui fait partie du groupe depuis quelques années maintenant aussi. Et puis j'ai rencontré Romuald qui m'a présenté le groupe et ça m'avait l'air super intéressant. Romuald chante super bien. Il a un petit grain de voix bien sympa puisque sur les salons de temps en temps il pousse sa chansonnette. Donc je me suis dit tiens. Pourquoi pas, on va les découvrir sur l'antenne de RQC. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Chroniqueur Canal Plus ici. Ah là là, mon petit Jean-Mimi. Mais cela ne nous regarde pas, c'est ça, évidemment. J'ai PSG ce soir, attention. Alors, Party Song. Alors, on a avec nous donc Laura Leterme, entre autres. On a aussi. Bonjour Laura. On a aussi la présidente. C'est ça. Alors, le prénom, je... Isaline. Isa pour les intimes. Isa, bah, Isa, c'est mieux, ouais. Et c'est plus facile. Et on est aussi également avec... François. Alors François parle sur le micro, voilà. François. Donc chanteur aussi. Non, guitariste, musicien. Ah ouais. Moi je chante pas dans l'association et également vice-président de l'association. D'accord. Donc c'est une association aujourd'hui. Donc évidemment c'est vous faites des galas, vous faites des concerts régulièrement, des soirées à thème aussi. Là je sais qu'il y a eu pas, il y a pas longtemps un repas concert qui a été organisé du côté de la Belgique. C'était où déjà? Le Bizet. Au Bizet, voilà. Ah, ça te va bien, ça, le Bizet. Ça va être comme ça toute la soirée. Ah ouais, ça se fait. Ça va être pire. Pour une fois, c'est toi qui te fais lyncher. Ah, mais complètement. Okay. Donc, ouais, il y a froid, là. Ah ouais, mais je ne charge que ceux que je connais. Voilà. Mais maintenant que je connais Laura, et je connais Isaline, voilà. Alors, effectivement, vous existez depuis combien de temps, Party Song? Alors, on existe depuis le 21 décembre 2012. Ouais. Le premier enregistrement. Donc voilà, et ensuite, donc ça s'appelait à la base MCW, donc qui voulait dire Musicos Comino Arneton. voilà, avec le premier président. Et puis ensuite, on a fait un petit renouveau dans l'association avec un changement de système, beaucoup plus de live. On a vraiment travaillé avec beaucoup plus de musiciens. Et là, on s'est dit qu'il fallait plus mettre en avant le côté musical plutôt que le côté de notre région, même si on en est très très fiers. Et du coup, on a changé de nom. Et alors après, une soirée brainstorming dans nos locaux, alors qu'il y a donné des choses. Je crois qu'on en a fait dans tous les sens. C'était rigolo. Est-ce qu'on peut avoir des petits exemples de oh, noms ça voilà, tiens, qu'est-ce qui est sorti quoi comme je me rappelle d'Artichaut. Il y avait Artichaut. Ça je me rappelle d'Artichaut. Ça existe déjà. Au risque de vous décevoir, ça existe déjà. Artichaut qui travaillait avec Sabine Paturel, d'ailleurs. Donc, oui. Pas nous quoi. Voilà. Mais l'idée est pas mal. L'idée est pas mal. Ça je me rappelle. Puis alors après ça partait sur les diapasons, ça partait sur énormément de choses, ouais. Jusqu'au jour où je me suis dit tiens on va regarder les synonymes de musique, enfin autour du voilà. On a regardé sur internet hein, comme tout le monde hein, les champs lexicaux tout ça. Et on est tombé sur partition. Ah bah si on faisait un truc avec partition, on a cherché. Moi je voulais pas d'anglais à la base, faut le savoir. Mmh, et puis ça a été raté puisque c'est moi qui ai sorti partisong. J'ai dit ça veut dire quelque chose. Parce que mon niveau d'anglais faisait voilà. Et puis au final tout le monde a dit ah ouais ça c'est pas mal, ça nous ressemble. Parti c'est la fête, song les chansons. Voilà et on est resté là-dessus et ça a tapé tout de suite dans l'oreille de tout le monde, on va dire ça comme ça. Et du coup j'avais pas fait le rapprochement hein, partition ça, partisong quoi. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Maintenant ouais. Pour le c'est parti de partition, oui. Voilà Robin c'est parti. Non, je découvre, je vais pas titrer sur song, c'est vrai chanson. Lui, on dirait qu'il découvre. Ouais, c'est ça. Mais t'as l'impression qu'il découvre. Mais qui es-tu ? On se connaît ? Voilà, c'est ça. J'ai vaguement entendu parler de vous. Et alors, partisson, c'est combien de personnes ? Et je sais qu'il y a une formation musicale aussi, donc ouais, ouais. C'est combien de musiciens ? Bah, c'est combien de chanteurs ? On a fait le compte tout à l'heure, hein, parce que il y a votre copain là-bas qui prépare un peu. Non, pas copain, on l'embauche, c'est tout. Hein. Sherlock, on n'est pas potes. Je suis stagiaire, moi aussi. Donc du coup, on est sur 7 musiciens et on a environ 7 chanteurs, sachant que 2 des chanteurs sont aussi des musiciens, parce qu'on a en a qui font les deux aussi. Donc on est environ 4, soit avec la webmaster, on est une quinzaine, à peu près une quinzaine. Ah, c'est pas mal. Ah voilà. Ouais, c'est déjà une belle formation. Et donc, quel type de musicien ? Donc s'il y a 7 musiciens, il y a quoi comme instrument ? Alors, il y a un guitariste soliste en guitare électrique, il y a un clavier. Ensuite, il y a une batterie, bien sûr, un guitariste rythmique qui est à côté de nous, hein, qui est François. Ouais. On a le bassiste, on a le piano qui est Aymeric. Ouais. Qui chante aussi, alors, du coup. Qui chante aussi. Ouais. Et notre bassiste qui est également chanteur, oui, Georges au clavier, je l'ai dit. Georges au clavier. donc voilà, je pense que c'est ce qu'on a. Il y a le papa de Laura qui vient en renfort trompette sur les morceaux où on a besoin de cuivre. Ouais. Et tout récemment, puisque ça date d'il y a une semaine, il y a Pierre-Jean qui est venu nous voir pour nous rejoindre au saxophone. Qui est donc le bienvenu et qui va sûrement arriver chez nous aussi, là pour préparer le spectacle d'avril. Alors si vous recherchez des percussions, moi je sais jouer du triangle. Donc, c'est sympa. Hein. C'est très difficile le triangle. Ouais, il faut savoir compter les mesures. Surtout. Ouais. D'accord. Mais détrompe-toi, il y a des très bons joueurs de triangle. Ouais. Et alors notamment dans un groupe qui a été tenu par Dave Grohl, donc c'était le batteur de Nirvana à l'époque, qui a créé son groupe. Et en concert, il prenait un mec qui jouait du triangle, mais il faisait des solos de triangle. Et il faisait des Bermudes. Ouais. Oui, c'est ça. Bravo! On n'a pas pris 4 ce soir, mais je crois qu'on a son frère jumeau. Et alors, aujourd'hui. On est désolé. Vous faites que de la reprise ou de la compo? Alors, on a fait dans toute, on va dire, enfin, j'aime pas mon play ce terme-là, mais dans toute la carrière de partisan, on a fait deux compos. Mais là pour le moment on est plus trop sur la compo, on est essentiellement sur le cover. Maintenant on essaye vraiment de faire du cover et non pas de la reprise, c'est-à-dire qu'on retravaille toi notre sauce avec nos musiciens, avec les envies aussi de nos chanteurs, bah, avec beaucoup d'arrangements. Il y a notre soliste qui porte bien son nom, un soliste aime beaucoup faire des solos. Oui. Donc il nous en met un petit peu partout. On a la chance d'avoir un très très bon soliste en guitare électrique, Zorab, donc qui est géorgien et qui était pro en Géorgie et arrive en Belgique. Donc il nous a rejoint, c'est lui qui fait tous les arrangements pour les musiciens. Donc voilà un peu. Donc c'est moi qui gère la petite troupe sur tout ce qui est aspect très très organisationnel, on va dire. Mais sur tout ce qui est musique vraiment pure, c'est Zourab qui a pris le relais et je lui fais entièrement confiance là-dessus. Voilà. Je lui laissais carte blanche pour faire les arrangements du spectacle d'avril dernier. Puisque c'était son premier et ça va faire la deuxième année là avec nous. Et donc il a fait très très bien ça, puisque ça, je pense que pour tout le monde, hein, ça a été un grand succès le spectacle. Voilà, il faut savoir qu'en fait, en tant que spectacle pour notre association à nous, on n'en a qu'un par an. Donc c'est notre bébé qu'on chouchoute pendant 8 mois, on répète. Voilà, c'est 3 répètes par semaine. C'est énormément, énormément de travail. Et on fournit, voilà, on livre tout ça au public souvent fin avril. Donc là, je disais, le prochain, c'est le 21 avril 2018. Et donc on commence, ça y est. Hein. On a commencé la semaine dernière la première répète pour le spectacle d'avril. Donc c'est parti et ça se passe où ça le spectacle ? Alors là c'est à Bas-Warneton. Voilà, faut savoir qu'on est basé sur Comines, donc juste à côté de Comines. Beaucoup de choses tournent autour. Vervic, Warneton, Comines. C'est ça. Ploucter, Ploucter. Eh ouais, Vanuxem. Ouais. Bah oui. On voit ce que on voit ce que tout le monde connaît de chez nous. Ah mais c'est revu, tout le monde connaît Vanuxem. Sinon on a aussi la piste de ski. Et les Mounches. Ça, c'est une institution quand même à Comines Warneton. Ouais, ouais. Ouais. Et les Louches aussi. Ouais, mais ça, c'est Comines France. Oh, pardon. Les Mounches, c'est vraiment. Les Mounches, c'est Warneton. Ah ouais, ça, c'est sacré. Hein. C'est bientôt, d'ailleurs, c'est le week-end du 2 décembre. Ouais. Ouais, c'est bientôt. Alors, et s'il y en a qui veulent vous rejoindre dans la troupe, est-ce que. Alors, tous les nouveaux talents sont les bienvenus. Il n'y a pas d'audition, mais il y a quand même une légère écoute, puisque tout simplement, on fait de la prestation scénique et qu'on est obligé quand même de. Parce qu'on a eu des gens qui aiment beaucoup chanter, mais. Moi, je le dis toujours, je suis quelqu'un de très franche. Entre aimer chanter et savoir chanter, il y a une légère différence. Mmh. Et donc, on écoute juste les personnes. Maintenant, on n'est pas non plus des pros. Donc, c'est pas The Voice où les fauteuils se retournent, on ne se retourne pas. Alors, on est très constructif dans cette démarche-là. Voilà, on écoute juste ce que la personne propose. Maintenant, les musiciens sont vraiment les bienvenus. Eux, dans ces cas-là, c'est plutôt François, Alain qui vont faire l'écoute des musiciens. Donc notre bassiste et notre guitariste qui vont faire l'écoute des musiciens. Et en chanteur, c'est plutôt Laura et moi qui allons écouter les chanteurs. Voilà. Après tout, on est très participatif dans notre association. Donc tous les membres sont les bienvenus. Tant que la critique est constructive chez nous, tout va bien. Et après, en fait, tout le monde nous rejoint. C'est très simple, hein. Je veux dire, on lui dit la semaine prochaine, mercredi à 19h, on la répète. Et puis voilà quoi. C'est bon enfant. Et puis, c'est très très bon enfant. Très familial. C'est très familial. Et puis c'est devenu des potes. Hein. On est aussi. Et on veut à tout prix garder ça. On fait tout pour garder cet esprit-là. Ouais. De grosses bandes de potes qui veulent faire des choses bien, qui veulent faire des choses carrées. Donc des fois, comme partout, hein, il faut recadrer les choses parce que voilà. Mais on veut garder cet esprit pote, quoi. Il y a encore le week-end dernier, hein, où on a fait un resto tous ensemble, parce que voilà, on veut aussi des moments comme ça qu'on partage d'autres moments de vie, sans forcément la musique, même si c'est notre passion, mais on veut partager d'autres moments de vie pour garder, ce rythme-là. C'est chouette. Voilà. Bon, et moi, ce que je vous propose, parce que évidemment, ils sont avec nous pendant toute l'émission, on va se faire une petite coupure musicale, on va revenir vers vous après la coupure musicale. Alors, tiens, je vais poser la question à Isa, Isaline. Oui. Tiens, les années 80, puisque c'est aussi le principe de notre émission, 80 à l'heure. Si aujourd'hui on te parle des années 80, tu nous parles de quel artiste, quel chanteur ? Je me dis que j'étais pas née. Et oui, alors, moi, je passe par moi, là, tous les années 80. Je vais te dire une chose, Isaline, si je peux me permettre. Je connais Napoléon, pourtant je n'étais pas née non plus. C'est je vrai. Connais non, mais... Charles de Gaulle, pourtant je n'étais pas née. Et alors, hein, ils sont sympas ? Bah écoute, oui, ils sont très très sympas. Elle est toujours là pour me défendre, hein, ma secrétaire. Aujourd'hui, Charles de Gaulle, de mentir. Non, j'étais pas né à Charles de Gaulle. Allez, 4 ans, je sais pas. Et au fait, Pompidou, il était sympa, Romy. C'est très sympa. Okay. Mais elle parlait de potes tout à l'heure, et moi, je suis plus ancien de partition, je suis leur pote âgé, en fait. Oui, d'accord, ok. Oh, ça va être dur, je sens. Alors, années 80, quand même, ça te parle ? Un peu, ouais. Oui, Isaline. J'imagine que vous faites des reprises des années 80 les déjà. Démons de minuit. Non, mais si, ouais, tout ça, tout ce qu'on connaît, voilà. Après, je pense que c'est surtout Michael Jackson aussi. Ah ouais, c'est un incontournable, évidemment. Voilà. Laura. Jean-Jacques Goldman. Ah bah oui, François. Moi, c'est plus l'époque disco, moi, des années 80. Bonnet alors, on est plus avant années 80, quand même, disco. Ouais. Bah, on est entre les deux, on a cheval entre les fins des années 70 et années 80, ouais. Ouais. Romu ? Phil Barnet, François Feldman, Claude Barzotti. Il va nous faire tout Star 80. Il nous lit la France. Moi, je suis à fond. Hein, Jenny Jamison, Amy Delimage. C'est mes meilleures années. Sloan. Je pense que ma génération, si on parle des années 80, en premier, c'est Amy Delimage qui ressort. Moi, quand on dit ça, c'est les démons de minuit. Sauf qu'ils n'existaient pas dans les années. C'était Gold et Image. C'était deux groupes bien distinct. Ouais. Émile, plutôt... en fait, c'est chanteur de Gold. D'accord. C'est ça. Et le reste, c'est chanteur de Gold. C'est vrai qu'on a surtout ces chansons-là. Enfin, moi, ma génération, bah c'est surtout ces chansons-là quand on parle d'années 80. Dans le top 5. Alors, je le sens, je le lis dans ses pensées. Je suis sûr que Sherlock, il a sorti quelques artistes des années 80 forcément. Qui viennent d'être cités pour faire la coupure musicale. Tu vois. Oui, forcément. J'ai pris Michael Jackson, alors avec Thriller. Ah, bah forcément, ouais. Bah, Halloween c'est, en même temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis, Image avec les démons de minuit. Ah, bah voilà. Bonne programmation, à tout de suite. Allez, c'est parti. We'll be right back.

cas parfois le micro tu m'énerves. Mais je fais ce que je veux, d'accord. C'est le mien. Mais t'es la femme. Bon, le Muppet Show, c'est fini, ouais. Ouais, d'accord. Muppet Show. Parle pour toi, excuse-moi, mais. Piggy, ouais, toi, on sait que tu sais pas. Piggy, hein. Mais moi, j'assume. Bon, et sinon, avant de revenir sur Party Song, quand même, revenons sur ce week-end. Un week-end qui était fort sympathique, quand même. Mais oui, on s'est retrouvés. Et oui, absolument. Donc. Voilà, je te dis ça, j'y sens. Ouais, j'ai vu que. Enfin, j'ai su que ma mère était venue te voir. Ah, bah, j'ai pas vu ta mère. Ah, si, elle est venue te dire bonjour. Ah, bon. Ah, bah, ouais. Ah, mais j'ai pas reconnu, hein. Je promets que c'est vrai. Non, mais je te jure que c'est vrai. Non, tu te mais non, je te jure que c'est vrai. Elle est venue te dire bonjour. Ouais, elle est venue te dire bonjour et elle fait. Je pense qu'il m'a reconnu ce coup-ci. Bah, pas du tout. Donc, je pourrais lui dire. Pas du tout. Honte à moi, je te dis. T'es sûr que c'est à moi qu'elle a dit bonjour? Ouais, ouais, bah oui, ouais, elle est venue dimanche matin te voir. Ouais. Elle t'a même claqué la bise, apparemment. C'est vrai? Bah, ouais, ouais. Ah bah, écoute, je te promets, je t'assure. Mais en même temps, je marche au radar, mais. Mais oui, non, et, non, et j'ai pas. Tu lui as même dit que de toute façon, tu faisais que des bises depuis le début de la matinée. Ah bah ouais, je fais que des bises, c'est plus simple. Voilà. Oui, non, non, mais sincèrement, bah, ta maman, je suis désolé, mais je l'ai pas calculé. Je me suis dit, je la connais, donc je fais la bise, puis ouais, je fais la bise voilà, à tout le monde. Ça. Donc voilà. Mais non, honte à moi. En fait, j'ai pas percuté vraiment. Donc oui, effectivement, on a vécu ce week-end un week-end bien chargé puisque. Surtout toi. Oui, mais Hervé et moi, Hervé de la troupe Évasion et moi-même, on avons fait le salon commercial. Et ma foi, bah, cette année, ça a plutôt bien marché. Ouais, c'était sympa. Il hein. y a eu plus de monde, plus d'exposants. Voilà, et puis bah, je pense qu'on va peut-être empiler pour l'année prochaine. On va empiler pour l'année prochaine et. Voilà quoi, et j'ai eu le plaisir d'avoir la visite de Flipkat, d'Onissa, d'Arnaud. Oui, Flipkat est venu, et oui. Il est arrivé à quelle heure lui? Ah bon, lui il est arrivé tard, mais. Ouais, on l'avait dit à midi pour l'apéro, dis donc. Ouais, mais lui il est arrivé pour le café, je crois, parce que. il n'est pas venu pour l'apéro. Et on a eu l'occasion donc bah, de recroiser, et puis j'ai eu l'occasion de représenter Jean-Noël Coge. Ah oui! Et oui, qui était là pour dédicacer son dernier ouvrage qui s'appelle Gueux en Berlouf. Voilà, c'est tout un programme, donc évidemment, qui retrace un peu l'histoire de Waterloo. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de Jean-Noël Coge, ça a quand même été un imminent journaliste. Il était dépêché par RTL. Absolument. RTL, ouais. Tu connais Romu? Non, mais tu me l'as dit dimanche, je te dis. Je l'ai au moins dit 15 ou 20 fois par jour, donc forcément. Mais on avait eu l'occasion de l'avoir une fois en studio pour qu'il nous parle de son parcours. Et en fait, c'est quelqu'un qui a quand même côtoyé James Dean, Jimi Hendrix, Deep Purple, ouais. Les grands noms du rock quand même. Et, il a côtoyé Stéphane. Stéphane. C'est Lucien, bah, toi. Ah non, mais moi c'est Harry. Ah, pardon. J'avais oublié. Je sais pas de qui tu parles, je parle peut-être de ton mec, j'en sais rien, ouais. Mais. C'est ça, c'est mon ex. Donc voilà. Hey, ça doit pas être triste avec Romu quand même, bah chez si, Party Song. Ah, les salauds. Comment ils sont avec moi? Alors, il précisait tout à l'heure hors antenne qu'il était aussi musicien et il fait de la gratte aussi, hein, c'est ça? Ouais, little bit. Ouais, non, mais. Ah, ouais, mais ça, on va s'en servir. On parlait de la guitare. On parle pas de ton anatomie, on parle de. La perte. Tu vois que c'est triste. Non, mais un peu mon petit niveau. Vraiment un petit niveau. Bon, bah mais... écoute. Il se débrouille. Ouais. Bon, il paraît que c'est pas mal. Moi, je sais qu'il y a un public qui est venu te voir et qui m'en a parlé et qui a été ravi de voir en tout cas Party Song et de te voir aussi sur scène. Party Song, on rappelle hein, que c'est un groupe, ils sont plus d'une. C'est une association. Bah, c'est un groupe, hein, ça n'empêche pas. Sous groupe associatif. Non, ils veulent pas un groupe. Ah, vous voulez pas un groupe sur scène et la présidente, elle a dit non. Bon, d'accord. Quand la présidente a dit non, attention. Bon, ok. Elle est méchante. Donc, une association, donc ils sont 14 hein, dedans, vous l'avez compris, des musiciens et des chanteurs. Vous les retrouvez régulièrement parce qu'ils font une date par an, certes, mais il y a aussi pas mal de galas qui sont organisés. On vous retrouve aussi dans des contrats privés. Je sais que vous avez fait un mariage il n'y a pas très longtemps. Oui. Et ouais, donc vous savez, enfin, vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi les solliciter. Pour des mariages, pour des événements privés, voilà, des comités d'entreprise, bar mitzvah, circoncision, voilà, c'est bien exactement sûr, ça. Ouais, des présentations de sextoys ou des choses comme ouais, ça. Par exemple. Ah, c'est sympa, ça. C'est vrai. Alors, vous nous avez dit, vous avez fait deux compos, vous faites des reprises. Alors, vous faites des reprises de quel type de musique? Alors, c'est très très généraliste comme type de musique. On fait vraiment beaucoup de choses. Maintenant, ce que je disais, ça reste de la variété, du rock, un peu de blues, un peu de jazz. Voilà. On part pas sur des styles un peu plus particuliers comme le punk ou l'hard rock ou le classique ou voilà, l'électro non plus. On fait pas. On fait des choses déjà qui jouent avec des musiciens. Et non pas avec des ordinateurs. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est important. C'est déjà la base. Donc, il y a des styles comme l'électro, par exemple, où voilà, c'est pas fait pour nous. Mais là, vraiment, sur le nouveau spectacle, en tout cas, je peux dire, parce que c'est les titres que j'ai en ce moment, mais ce qu'on disait tout à l'heure, on passe par du Norah Jones, on part chez Queen, on repart sur Ed Sheeran, on s'en va chez nos. Qu'est-ce qu'on a du Donna Summer, du Sade, on a du Vianney. Du Cabrel. Voilà. Du Cabrel, ouais, on a on voit le choc des générations ici. C'est ça. Non, non, c'est tu parles de Tyrann, là tu dis Cabrel. On a du Michael Jackson aussi. Mais c'est ça qui est bien aussi. L'éclectisme, c'est bien. On a vraiment beaucoup de choses. Après, on a Cœur de Blues, c'est qui ça? Je l'attendais, celle-là. L'éclectisme. Je n'ai pas le temps de te le dire. Celle-là. Mais non, on a vraiment. Ça, c'est Philippe Lafontaine. Cœur de Loup. Donc, on a aussi du Philippe Lafontaine. Ah oui, bah, c'est Cœur de Loup. Alors, c'est ça. Quoi qu'il n'a pas fait que ça non plus. Un petit peu de reggae. Non, mais celle-là, il y a reggae français aussi. On a du Pierre-Paul Jacques. Ouais. Donc, non, il y a vraiment. On a du Muse. Ouais, c'est vraiment en fonction. On a du Bon Jovi. C'est comme je pense que tu allais dire. C'est ça. C'est vraiment en fonction de l'influence des. Des chanteurs. Ouais, des chanteurs. Et des musiciens. Nous, on fonctionne comme ça. On leur demande. Si tu fais bien de dire ça, mais alors on va poser une question. Parce que, par exemple, donc. Laura qui chante. Oui. Quelles sont tes influences justement? Oh bah moi c'est en général c'est côté anglophone. Ouais. Donc moi je fais de tout, mais tant que c'est en anglais ça me va. Ah ouais. Et pourquoi pas en francophone? Parce que francophone je laisse à Romu qui sait pas chanter en anglais. Ah. Et toi tes inspirations Romu c'est quoi? Cabrel. Voilà. Ah ouais, c'est Cabrel. Tout ce qui est francophone, parce qu'il sait pas chanter en anglais. Voilà. Tout à fait. C'est Norah Jones, Michael Jackson. Mais traduit en français. Voilà. Non, mais il y a quand même. T'affectionnes plus particulièrement certains chanteurs, je le sens. Cabrel. Ouais, on a compris. Aznavour. Non, il y a Vianney aussi. Il pourrait nous faire l'album de Vianney. Ah, je pourrais faire l'album de Vianney en chien. Bruel aussi, tu te débrouilles bien. Et tu l'imites en plus. Ah, salut, c'est Patrick. On avait Casimir, mais on a Patrick. Non, vas-y, continue. Là, j'adore ça. Ouais, non, mais c'est comme ça, je sais dire que ça. Salut, c'est Patrick. Dans 10 minutes, il nous fera Bourville. Si vous êtes sale. Et il tient bien. Ah oui, c'est vrai, mais je crois que j'ai déjà entendu. Je pense. Une fois, je crois qu'il y a au boulot, il m'a sorti un truc. Il se dit, beaucoup moins bien. Ah bah, forcément. Excellent. Ah ouais, d'accord. Partie Song, pour vous retrouver, j'imagine que vous avez un site internet. Enfin, on est surtout basé sur Facebook. Donc, sur la page, donc tout simplement Partie Song. Pour l'orthographe, PARTY SONG. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent. Donc, on nous retrouve essentiellement là-dessus. Et on a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. On peut nous envoyer des messages. On répond au plus vite. Ouais, au moins tous les jours. Voilà. Donc, on répond au plus vite d'après nos agendas, quoi. Ça dépend. Et donc voilà, tout le monde est les bienvenus. Faut pas avoir peur. On est aussi une association. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, notre but premier avant de faire des concerts privés, même si c'est vrai que ça fait vivre notre association et qu'on en a besoin aussi. Bien sûr. Mais notre but premier quand même d'aller aider les autres ASBL en proposant des prestations scéniques bénévoles lors de leurs journées, de leurs événements en fait, où ils ont besoin d'une animation musicale à moindre frais. Nous on propose d'y aller bénévolement pour les aider aussi à récolter des fonds, puisqu'on sait qu'en tant qu'ASBL, c'est jamais facile de faire vivre une association. Et donc voilà, et surtout on est vraiment pro-tolérance, c'est un des maîtres mots chez nous. Faut vraiment pas avoir peur, il n'y a pas de limite d'âge dans le chant, que ce soit tout petit. Bah oui, Romu est là, donc voilà. Je pense que c'est le plus vieux, hein. Oui. Non. Ah, en plus, c'est vrai, c'est le doyen. C'est pas le plus vieux des chanteurs. C'est un chanteur, il y a Zourab, hein. Ah, ça, si, c'est un. Il y a notre guitariste qui est plus vieux. Mais le chanteur, c'est plus le doyen. C'est ça. Donc, on fait un résumé. Hein. Si vous avez entre 7 et 77 ans, vous pouvez aller chez Partie Song. Non, mais même lui, Harry, peut venir. Hein, sans problème. Bah oui, entre 7 et 77 ans. Limite. Hein. Alors, Moi, ce que je propose, on va se faire une coupure musicale. Je sais que tu as des enregistrements avant de découvrir Party Song en live, puisque alors il y a Laura qui va nous gratifier d'un live d'ici quelques minutes. Mais on va découvrir, je pense peut-être Romu, puisqu'il y a une captation, un titre qui a été enregistré. Là, j'en ai plus qu'une. Hein. Maintenant, Romuald, dis-moi ce que tu veux. Qu'on, comme vous voulez. Moi, j'ai mis un florilège. Alors oui. Oui. Pourquoi ça, c'est au choix du. Du programmateur. Du programmateur. C'est ça. Ah, voilà. Alors... Et qu'est-ce qu'il y a comme titre? On peut peut-être choisir, nous. Bah, je pensais voir du Cabrel, mais. Oui, si, si. Je te suivrai, Cabrel, je pense. Ah, exact. Ouais, années 80. Il y a quoi d'autre? Il y a Femme des années 80. Ouais. Dumbo, alors c'est quoi? C'est la chanson du film? Ah, Dumbo! Ah oui, d'accord! Ah oui! D'accord. Ouais. Dumbo, ça fait penser aux vacances. Mais on va rester années 80, puisque ouais, bien sûr. 80 à l'heure. Oh, il y a une chanson de Claude Barzotti. Laquelle, tiens? Je ne t'écrirai plus. Ah, bah, écoute, bien celle-là. Ce serait bien parce que pour la petite information, donc, je ne sais pas si tu l'as annoncé, mais on va repasser. Donc, non, je ne l'ai pas encore annoncé. Ah bah, on peut l'annoncer, annonce-le. Oui, alors donc, effectivement, il y a de ça maintenant une semaine et demie environ, on est allé voir Claude Barzotti. On l'a vu, donc c'était à Lalin. Il était venu, donc c'était pour l'association. Ouais, enfin, en gros, on va repasser l'interview. Voilà, c'est ça. Potsiger, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement le nom de l'asso. Et donc, on a pu l'interviewer, avoir une petite interview. Donc, j'ai condensé un petit peu tout ça. Donc, ça tient à peu près en 5 minutes que je vous passerai donc après. Eh ben écoute, ça marche, et d'autant plus que moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse entendre la version donc de Romuald, puisque il faut que on transmette effectivement l'enregistrement à Claude Barzotti. Donc, tant qu'à faire. Ah oui. Ben voilà. Je vois. Alors, on fait quoi? Agréable. On aura peut-être une critique de Claude Barzotti qui nous dira ah, il l'interprète bien ou pas. Voilà. Ou pas. Alors, on fait quoi? On passe Romuald et on passe Claude Barzotti tout de suite après? Ouais, la même chanson, ce serait. C'est vache. Oh là, c'est vache. Avant, chiche. Après. Chiche. Attends, je l'ai peut-être. Et sans mal. Je l'ai peut-être. On va pouvoir comparer. Ça serait bien ça. Claude Barzotti. Ah ouais, moi je veux bien faire. Je dis, allez, on va faire. Je l'ai. Barzotti, oui, je l'ai. Ben allez, vas-y. Ça va on se fait ça. Ouais. Ensuite, on revient et on lancera l'interview. Ça marche. Allez, c'est parti. Sous un pli bleu, je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimé. Tu trouvais que c'était joli, tu n'y as jamais rien compris. Je t'envoyais des chansons de Brel, celles qui frappent où le cœur se fêle. Je pensais qu'elles pourraient peut-être faire pousser un arbre au désert. Je t'envoyais des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Il n'y a pas d'amour heureux, disait Aragon amoureux. J'écrivais tout et sans pudeur, je me déshabillais le cœur. Je t'écris une dernière fois, c'est ma dernière chanson pour toi. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Je te recopiais des poèmes piqués à ce vieux fou d'Hugo, lui qui savait dire je t'aime sans jamais avoir l'air idiot. Je me servais d'Apollinaire et de Rameau et de Verlaine. Ce rêve étrange et pénétrant, moi aussi je l'ai fait souvent. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu.

Et oui, donc vous venez juste d'entendre Romu de Party Song, qui interprétait donc Je ne t'écrirai plus. Il va pas nous contredire là, il dit rien. Sincèrement, donc vous avez entendu deux versions et il y en a une. La première, c'est celle de Romuald, donc de Party Song. La deuxième, c'est Claude Barzotti, évidemment. Alors on peut pas comparer les deux parce que non, mais il s'en sort très bien. Franchement, il s'en sort super bien. Et merci. Et je disais hors antenne. Non, mais c'est vrai, hors antenne. Il y a un trémolo dans ta voix qui nous fait penser à Aznavour. Et c'est vrai, hein, sincèrement, on écoutera certainement une de tes interprétations d'Aznavour parce que il y a ce côté de voix qui est bien. Après, c'est le propre de Party Song, c'est aussi de s'approprier la chanson. Puisque j'imagine que vous n'êtes pas imitateur. Tu parlais de cover tout à l'heure. Et nous, ça a toujours été la grosse question. Oui. Il n'y en a jamais la même réponse. C'est ça. Et c'est vrai, hein, Sherlock, c'est. Quelle est la différence entre un cover band et ceux qui font des tributes? Et j'aimerais bien comprendre, quoi. Alors, est-ce que tu as la réponse, justement? Oui, en fait, des tributes, clairement, c'est du sosie auditif. Ça veut dire que clairement. Et ils font exactement la même chose que le groupe. À la note près. Je te promets que j'ai déjà vu des tributes où ils ne ressemblent pas du tout au groupe. Que physiquement, ils n'y ressemblent pas. Mais normalement, ils jouent les morceaux exactement. En fait, quand on fait un tribute, nous, on en a vu beaucoup. Quand ils font un tribute, on a vu Ray Charles, on a vu. Bah lui, il vous a pas vu, par contre, je crois. Ah, bravo. Non, lui était très très connu. C'est quelqu'un du Pérou. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très connu. Abba. On a vu aussi à la soirée 80, ceux avec leur casque là. Daft Punk. C'est ça. Ouais. Dans une soirée années 80, c'est normal, là, Daft Punk. Si. Ouais. Non, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Et en fait, voilà. C'était Dépêche Mode, en fait. Ah, d'accord. C'est deux autres. Avec leur casque. Mais j'ai déjà vu le tribut de Daft Punk aussi. Bon, à la Ducasse d'Outhem, il y a deux ans. Non, je dois tout dévoiler. Ouais. Non, en fait, c'était deux gars qui étaient venus en moto, c'est tout. Voilà, donc en fait, la tribut, normalement. Fait clairement de l'imitantisme. De l'imitantisme, ça a l'air franco-français. Je connaissais le militantisme, mais l'imitantisme. Pas du tout. Non, même si, pourtant si. Mais. mais donc voilà, donc une tribute c'est ça, et des covers normalement c'est justement c'est une chanson qui est vouée justement à être travaillée et être dans le respect de ce que je chante, enfin de ce que l'artiste a voulu en faire, mais à être travaillée pour partir vers un autre univers normalement. D'accord, ok, bon bah c'est une réponse, on en a eu d'autres mais c'est une réponse. Alors Party Song, ils sont avec nous, avec Isa, François, Laura et Romuald. Eh bien c'est l'heure maintenant du Rétro Ciné 80 de notre ami Sherlock. Et alors, oui. Tu vas nous réexpliquer un peu le principe et faire participer nos invités évidemment. Oui bien sûr, alors donc le Ciné Rétro 80 c'est un film que j'ai regardé cette semaine, que j'avais vu ou pas avant, hein, je prends au hasard. Bon là en l'occurrence je l'avais déjà vu et donc je vais essayer de vous le faire deviner, donc soit par rapport à des chansons qu'on entend dans le film, soit par rapport à des extraits de dialogue où je vais vous donner également quelques petits indices, des petites choses qui appartiennent au film. Donc, alors ne donnez pas la réponse, surtout vous nous mettez sur la voie parce que sinon vous allez griller sa chronique, donc faut nous mettre sur la voie. Ne donnez surtout pas la réponse si vous avez le titre du film. Donnez un autre indice, effectivement, dire, est-ce que ça n'a pas un rapport avec, sans nous donner forcément les noms des acteurs, hein, mais trouver un point commun avec parce que sinon des fois moi sinon dans 30 secondes je vous le dis, hein. C'est ça. Alors bon, là ce que je vais lancer c'est le jingle, hein, je préviens tout de suite parce que chaque fois les gens font pas un retour vers le futur. Là c'est le jingle, écoutez bien. Les amis, montons vite dans la DeLorean et repartons vers l'année 1989. Ah, ça fait peur, elle vient de dire c'est ma naissance, imagine. Ouais. Donc elle a connu les années 80. Ah, et moi je réponds, ah, c'est ma communion. Et moi j'étais pas née. Alors, donc effectivement, oui, l'année 1989, et je vais même vous dire que c'est sorti le 20 décembre 1989. Un mercredi. Oui, c'était un mercredi au Nice, effectivement. C'est le seul truc que je connais. Il faut savoir qu'Onissa n'est pas du tout cinéphile. Alors. Et de ce fait-là, quand je lui ai dit que tous les films sortaient le mercredi, maintenant elle est contente, elle sait au moins que c'est le mercredi. Ouais, mais n'empêche que quand j'étais pas là, ça manquait. C'est vrai. Donc, bah, on sera deux, hein, parce que moi. Ok, bon, ah ouais, alors. Très bien. Bah, j'en ai déjà trouvé deux hein, sur un. Je peux vous dire déjà que le film a fait 2 924 108 entrées au box-office français. J'étais là en dehors de la salle pour compter les entrées. Ouais. C'est un super indice, hein, parce que quand ils donnent le nombre d'entrées, en général, on dit « Ah bah ouais, c'était le film, forcément. » Mais non, mais ça peut vous donner une idée sur... Sur l'ampleur du film. Là, tu sors le titre. Sur l'ampleur du film. Mais j'aimerais bien. Non, je ne vais pas le dire. On m'a dit qu'il ne fallait pas le dire. Mais tu peux donner un indice, si tu as une idée. Ça a rapport avec Noël ? Pas du tout. Pourquoi avec Noël ? Est-ce que ça a rapport avec, avec Halloween ? Parce que forcément, c'est la période. Pas du tout. C'est un film d'aventure. Ouais, on va pas tous les faire. Non plus. Aventure, aventure dans quel sens ? Bah, aventure. Vraiment pure aventure. Bon, bah, c'est pas ça. Non, c'est pas vraiment pure aventure. Est-ce que c'est un film cochon ? Non. On en a jamais eu. Tu pensais à quoi ? Hein ? Ah, la même chose que toi, gros dégueulasse. C'est un film américain. Oui, c'est un film américain. Je veux tous. Alors, film américain. Donc, je vais vous donner d'autres indices. C'est qu'il a eu 8 récompenses, dont un Oscar, un BAFTA. Donc, les BAFTA, c'est l'équivalent des Oscars en Angleterre. Et 2 Saturn Awards. Et les Saturn Awards, c'est des prix qui sont spéciaux pour la science-fiction. Ah, d'accord. Ah, donc c'est un film de science-fiction. C'est un film qui est plus axé science-fiction, effectivement. Alors, je vais vous donner le premier indice sonore. C'est une chanson qu'on entend dans le film. Écoutez bien. De science-fiction avec Bait de oui. Michael Jackson. Alors, donc. La semaine dernière, justement, on avait parlé de Michael Jackson. Et ah, Moonwalker. Tiens, ouais. La semaine dernière, c'était Moonwalker. Là, c'est plus Moonwalker, forcément, j'ai pas parlé de même. Hein. Alors, est-ce que. Non, pas Moonraker. Ah, non, Moonraker, pardon. Pas Moonraker, Moonwalker. Non, mais il y a une forme de dyslexisme, Romuald. C'est l'anglais. C'est ça. Vous avez raison. On avait prévenu. J'avais raison. Alors, donc, est-ce que ça vous. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Non, mais est-ce que Michael Jackson y joue dedans ? Non. Pas du tout. C'est un grand réalisateur ? Oui, quand même, oui. Hyper connu. Quelle taille ? Oh, au moins 1m75, je dirais à peu près. Moi, je peux poser une question ? Alors, Laura, vas-y. Les formations professionnelles, pardon. Un des héros, c'est un enfant ? Non. Non. C'est un adulte. Oui, un des héros est un adulte. C'est pas oui. E.T. Elle était sur E.T. E.T. c'est 82. Ouais, là, c'est ça, début des années 80. Mais je n'ai pas rapport avec Michael Jackson. E.T. Michael Jackson, il n'a pas. Alors, Michael Jackson a narré... C'est un modèle pour faire E.T. Non. Michael Jackson a narré l'histoire de E.T. en livre audio. D'accord. Il est balèze, Sherlock. C'est pour ça qu'on l'appelle Sherlock. Peut-être. C'est ça. Et en un seul mot, il insiste. Alors, je vais vous passer tout de suite un deuxième extrait. C'est également une chanson. Écoutez bien, c'est Sammy Hagar qui chante. Et ça s'appelle I Can't Drive 55. Alors, Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, moi ça me dit que ce titre, il a vraiment chier, quoi. Ce titre, mais grave, quoi. Alors, je vais vous donner, celui qui a fait la musique du film, c'est Alan Silvestri. Ça nous avance beaucoup. Ah, mais je suis sûr que ça parle à Harry, il connaît déjà ce nom, Alan Silvestri. Parce qu'il a fait quand même pas mal de musique de film. Ouais, c'est possible. Je vais vous donner quelques noms d'acteurs également. Il y a Jeffrey Weissman, Jason Scott Lee, qui a joué plus tard Dragon, la légende de Bruce Lee. Il y a Elijah Wood, qui a joué le rôle de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Il y a Flea, des Red Hot Chili Peppers. Il s'appelle comment? Flea. Ah, d'accord. Flea. Je crois que c'est le bassiste des Red Hot. Ouais. Ah ouais. Il y a Billy Zane, qui a notamment joué dans Titanic. Ah ouais, ouais, absolument. Ouais. Billy Zane. Billy Zane. Ouais. Il y a Elizabeth Shue. Thomas F. Wilson. Je vais arrêter là parce qu'après, ça peut peut-être vous donner beaucoup plus d'indices. Alors, est-ce que ça vous donne... Quelle année, tu me dis? 89. 89, ouais. 89. Et c'est un film, c'est un rapport avec la science-fiction. Oui, c'est un rapport avec la science-fiction. Bah ouais, effectivement. Il n'y a pas un rapport... Non, je vais dire une bêtise, mais il n'y a pas un rapport avec Batman. Non. Non, pas avec Batman. Non. Pas mis les couleurs. Tu penses à un Batman? Ah non, un acteur qui a joué dans Batman. Ah. Forever. Non, il y a, c'est pas, y a pas d'acteur qui a joué dans Batman. Non, en fait, je pensais à Beetlejuice. Ah non, du tout. Ouais. Non, c'est vrai que Michael Keaton jouait le rôle de Beetlejuice, mais non, c'est pas lui. Alors, je vais vous passer le troisième indice, et là, vous allez tous me dire « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est ça !» Parce que c'est super facile, en fait, l'indice que j'ai pris. Ouais. Donc, écoutez bien. Je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Alors forcément, vous avez tous trouvé. Oui. Et vous ne me dites pas le titre tout de suite, parce que j'ai encore des indices à vous donner. Non. Donc... Donc on doit faire style qu'on n'a pas trouvé. Là. Ah d'accord. Alors Laura, qui est née cette année-là, ne connaît pas le titre du film. J'ai alors connu peut-être. La voix, mais est-ce que c'est le même? Ah, bonne question. J'ai rien reconnu. Alors du tout, peut-être possible. Avec cette chanson qui apparaît également dans le film. Écoute. Ouais. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Alors là, c'est Perry Como qui chante. Perry Como avec Papa loves mambo. Ouais, j'allais dire. Ouais, bah ça, le titre était assez facile, mais... Pas du tout, mais franchement, bon, maintenant, on a trouvé le film, évidemment. Bah oui, forcément. Alors, cette musique, alors, savoir qu'elle était dans pour le film, Laura, je vais donner un autre indice... Isa. Un autre indice sonore. Ah, bah, Isa n'a pas trouvé non plus. Alors, un indice pour eux, à mon avis, c'est de donner le titre. écoute... Même le titre ne serait pas un indice. Non, écoute, je pense... Peut-être que je connais pas. Je pense qu'on va entendre le titre dedans, écoute. Du calme, Doc, c'est Marty. Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Il y en a un qui t'imite vachement t'as bien. T'as vu ça? Je me suis dit, je vais le laisser, ce petit morceau. Alors, donc, vous avez tous trouvé Rocky 5. Non, Rambo 2. Non, alors c'est pas Rocky 5 avec Tommy Gunn. C'est Retour vers le futur. Oui, alors lequel? Il y en a eu trois. Il y en a eu trois. C'est lequel? Bah oui, forcément, je t'ai renvoyé dans le futur, donc c'est pas le 1. Bah pourquoi? Ça peut pas être le 3. C'est quoi cette déduction débile? Il dit je t'ai renvoyé dans le futur. Ah ouais, non, c'est mais dans le 1 aussi, il est renvoyé dans le futur. Désolé, Laura. Ah ouais, d'accord. Non, c'est le 2. Ah, mais là, comment tu sais que c'est au début du film? Non, là, c'est à la fin. Ah, je ne sais pas. C'est la fin. Non, c'est pas à la fin. C'est quand il se retrouve avec. Il revient après la voiture. Enfin, quand il démarre. Enfin, bref. Ouais, enfin, bref. Sinon, on peut faire un pique-nique douille. Non, effectivement, c'est à la fin du film. Ben voilà. C'est à la fin du film. Ça, c'est à la fin du film. Ouais. Alors, effectivement, c'est donc... Retour vers le futur. Deux. Et eh oui. Il y a gagné. Et il y a dit en anglais. T'as vu ça, hey. C'est Back to the Future. Moi, j'ai dit qu'un truc, c'est deux. Back to the Future. C'est le 3. Pas mal. Et oui, effectivement, donc c'est Retour vers le futur 2 avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Léa Thompson, que je n'avais pas cité tout à l'heure, je me suis dit, il y en a peut-être un qui doit la connaître quand même. Et donc, lors de son premier voyage en 85, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville en compagnie de son ami Emmett Doc Brown. Non, Griff, c'est le petit-fils. Ah oui, d'accord. Ouais, Emmett Brown. Emmett Doc Brown. Donc, et de sa fiancée, donc Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce film? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Bah, alors, évidemment. Moi, j'ai les trois, l'Overboard. Ah, est-ce en que plus. Tu les as regardés? Oui, il y en a un avec la locomotive, il part dans le Far West. C'est le 3. Ça, c'est le 3. C'est le dernier. Il y en a un, ouais, il y a l'Overboard, là, qu'il y en a un qui tombe dans un tas de fumier. Ça, ou c'est, je sais le pas quoi. C'est le 2. C'est le 2. Et le 1. Un tas de fumier, c'est le 3 aussi. Ah. C'est le western, c'est Big Talen. Bah, le skateboard qui vole. C'est Biff. L'Overboard, ouais, ça c'était. Mais je crois que c'est répétitif, c'est un, dans le 3 et aussi dans le 1. Ouais. Dans le 1, il tombe aussi dans du fumier. Et le 1, bah, c'est la découverte, la rencontre entre Doc et... Dans le 2, c'est avec l'Almanac. C'est vrai. Dans le 2, ouais. Moi, je dis Almanac. Non, on dit Almana. Bah, je sais pas, l'almanach des sports. Il dit l'almanach. C'est quoi cette référence? Question de madame. Question de madame. Père de l'os. Mais en fait, Party Song, c'est un groupe d'humoristes, c'est ça? C'est ça. Non, c'est un groupe d'imitateurs, en fait. Une association d'humoristes, pardon. Non, lui, c'est pas le dernier. Alors, donc, effectivement, c'est, donc, c'est le numéro 2. Et donc, à l'origine, aucune suite n'était prévue. Même si la mention To Be Continued, donc à suivre, était au générique de fin du premier film. Et donc, ça pouvait signifier le contraire. Mais après l'énorme succès donc, du premier volet, une suite fut rapidement envisagée. Lors de la pré-production, les deuxième et troisième volets ne devaient former qu'un seul opus, intitulé Paradox, qui fut finalement scindé en deux, après que les scénaristes aient jugé qu'ils ne voulaient pas supprimer trop d'idées dans le script, devenu trop riche pour tenir en un seul long métrage. Malgré un refus dans un premier temps de produire d'emblée un troisième volet à l'annonce d'un budget de 65 millions de dollars, donc c'était énorme pour l'époque. C'est le salaire de Romu, ça? C'est à peu près ça, ouais. À peu près ça, ouais. Quelques millions de dollars près, c'est ça. Donc c'est Universal accepta finalement de produire deux suites au premier film pour un budget de 35 millions de dollars chacune. Le tournage s'avéra épuisant pour Robert Zemeckis qui filmait le troisième volet le jour et montait le second la nuit. Donc c'était, ah oui, d'accord. Donc c'était, c'est pour ça que c'était très rapide, moi je me rappelle. C'est hein, ça, ouais. En fait, bah, le 2 et le 3. Je vais quand même sûrement faire le troisième parce que même s'il est sorti en 90. Il a été tourné quand même en 89, donc je pense que il faut que j'en parle, oui, parce que c'est quand même dans la continuité. Oui, mais attends, le principe c'est les films des années 80. Alors si je sais, mais des films qui sont sortis en années 2000 qui étaient. Ouais, mais là c'est parce que ça a été tourné en même temps, donc je me dis il y a quand même. Ah ouais, mais c'est sorti, c'est pas quand ils l'ont fait. Ouais, ouais, mais c'est bien. Retour vers le futur, j'adore. Donc. Bah oui, mais moi c'est pareil. Alors il n'y aura jamais de numéro 4. Bah non. Steven Spielberg a dit qu'il n'y aura jamais de numéro 4. Ah, bah J. Fox est dans les tuyaux là, il y a encore 3-4 mois. Ouais, ouais, mais J. Fox il est un peu mal en point quand même. Bah ouais, ouais, ça va être compliqué. Ouais, voilà. Alors Elizabeth Shue donc remplace. Alors Elizabeth Shue donc qui joue le rôle de Jennifer remplace Claudia Wells. Donc la dernière scène du premier film, qui fait office d'ouverture dans le second, a dû être ainsi entièrement retournée avec la nouvelle actrice. Ah ouais, on n'y voit que du feu, elle se ressemble. Quand même. Ouais, elle se ressemble assez fort. Je l'aime pas, bon, il y a quelques petites différences quand on regarde les deux scènes côte à côte, il y a quelques petites différences. Ah, il y a un bonnet B, l'autre côté c'est bonnet D, donc la différence. Je sais pas. Un bonnet M. Alors. Oh. Les années 80, hein. L'interprète de George McFly, donc le père de Marty dans le premier film, Crispin Glover, fut remplacé par Jeffrey Weissman dans ce second opus. Ce dernier étant maquillé pour lui ressembler au maximum. Crispin Glover participa cependant au film via des scènes du premier opus réutilisées par la production. Cette décision conduisit d'ailleurs à un procès, l'acteur reprochant au studio l'utilisation de son image sans sa permission. Ah ouais. Ouais. Mais drôle. Ah ouais. Bon, il faut savoir qu'apparemment, il avait quand même quelques petits problèmes mentaux, hein, Crispin Glover, donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Donc, l'interprète de Frodon Sacké dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, fait sa première apparition à l'écran dans Retour vers le futur 2. Ah ouais. Il incarne un jeune joueur de jeux vidéo dans le bar en 1915, en 2015, pardon. Alors, ouais, autre joueur de vidéo en 1915. Ouais, ouais. autre apparition, celle de Michael Balzari, alias Flea, bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui interprète Needles, le patron de Michael J. Fox en 2015. Il apparaît également dans Retour vers le futur 3. Donc là, forcément, il aura un autre rôle. Mmh. Le tunnel utilisé dans Retour vers le futur 2 pour filmer la scène où Marty McFly tente de subtiliser l'almanach à Biff Tannen dans sa voiture est celui conduisant vers la ville des Toons, donc Toontown, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé également par Robert Zemeckis un an plus tôt. Tais-toi. Merci. Et donc deux clins d'œil à Steven Spielberg qu'on peut voir dans le film, donc qui était producteur exécutif du film. Et ainsi, le cinéma de Hill Valley diffuse un Dents de la mer 19, ah oui, oui, holographique, réalisé par Max Spielberg, le véritable fils, du cinéaste. Et plus tard dans le film, dans une vitrine d'antiquité, Marty découvre notamment un jeu vidéo Les Dents de la mer ainsi qu'une peluche de Roger Rabbit. Et enfin, le Biff Tannen de 1985, modifié, est une caricature du mania de l'immobilier et futur président des États-Unis, Donald Trump. Ah, ouais. Uh-huh. Ah oui, c'est vrai que ouais. Ouais, maintenant quand tu le dis, ouais, c'est juste. Et alors, voilà. Et de où vient le nom de Doc Emmett? Alors, Emmett, c'est l'inverse de Time, en fait. C'est Absolument. Le verlan de Time. Absolument, c'est le verlan c'est de Emmett. Time. C'est Emmett. Ça se dit Emmett en anglais, donc c'est Time. D'accord. Et c'est en 89 aussi que Spielberg a sorti Indiana Jones et la dernière croisade. Oh non, c'était bien après hein, quand même. Non, non. Le dernier. Ouais. La dernière croisade, j'aurais mis ça début 90. Vérification. Ouais, ouais. Bon, on va vérifier ça sur internet. Ouais. Bah, en tout cas, vous l'avez vu ce film. Laura, tu l'as vu, évidemment. François, tu l'as vu. Je l'ai vu il y a une paire d'années, mais ouais, je les ai vus. Isa, au lieu de te limer les ongles, tu l'as vu. Elle ne les a pas vus, je pensais. Non, elle ne l'a pas vu, elle s'en fout. Non. J'en ai vu aucun des trois. C'est pas trop son style. Mais il est jamais trop tard. Hein. Ah, c'est pas ton style, c'est quoi ton style de film pas. Science-fiction et moi, on n'est pas. On ah, pas c'est pas. Bah, ouais, mais c'est plus de la comédie, science-fiction. Ouais, c'est. Voilà, science-fiction. Plus comédie d'aventure. Ouais. Mais bon, forcément, c'est un peu basé sur les retours dans le temps. Donc, ouais, il y a de la science-fiction qui. Oh, le regard fier de Romuald. Ouais, parce qu'il avait raison, oh hein, c'est bien en 1989. D'accord, ok. Mais il a été filmé en 89, mais il est sorti en 92. Donc, Laura, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Vu que toi, tu l'as vu, petite, tu es de 89. Hein. Oui, bah oui. Non, j'étais petite. Non, moi, j'ai adoré. Moi, je pense même que j'ai pris une journée pour regarder les trois d'affilée parce que j'arrivais pas à décrocher. Ouais, enfin, il faut pas une journée non plus pour regarder les trois. Mais, Et ça va, moi, ma journée, quand j'étais en vacances, je me levais à 11h et j'allais me coucher. C'est vrai que ça aurait été Le Seigneur des Anneaux, j'aurais pu comprendre. C'est lequel le premier? C'est lequel le troisième? Que je cherche dans mes cassettes vidéo. Elle a commencé par le troisième. Elle a commencé par le troisième. Bah, en tant que tu peux, hein. Tu peux commencer par le troisième. Ouais. Tu pourrais, hein. Le premier, par contre, un peu plus compliqué, mais le 2 et le 3, tu peux les regarder le 3 avant, le 2 après, c'est pas très gênant. Mm-hmm. Mais... Et je pense même que ces jours-là, j'ai regardé aussi Police Academy, les 6. Il y en a 7. Ah bah les 7, alors ouais, j'avais 7, les 7. Ouais. Oui, c'est ça. Non, ça m'étonnerait quand même. 7. Ouais, il faut 7, se les farcir quand même. Ouais, c'était trop marrant. Ouais, d'accord. Bah, jusqu'au. Je dirais jusqu'au 3, oui, après ça. C'est des générations. Ah, bah non, c'est une autre génération. Ouais, non, mais. Bah, peut-être pas le numéro 7, hein. À mon avis, on est plus dans les fins des années 80-90, hein, à mon avis, pour le 7, mais les premiers, oui. Ouais. Après, c'est devenu du téléfilm, quoi. Vers la fin, c'était du téléfilm, ouais. Réellement, pas terrible, quoi. Le 7, c'était en Russie, je pense. Ouais, c'est possible. C'est possible. Eh bien, merci pour cette rétrospective sur Retour vers le futur. Et tu nous as bien bluffé parce qu'en plus, tu nous as dit juste avant attention, ça n'a rien à voir avec le jingle. Bah ouais, voilà. C'est le vrai. Ah oui, parce que d'habitude, je mets le jingle et les gens font ah ouais, c'est Retour vers le futur. Bah oui, mais ça, c'est le jingle. Mais ouais, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Tu nous as bien eu, mais en même temps, avec les musiques que tu nous as passées, il faut s'en rappeler. Et cependant, ça apparaît dans le film. Bah ouais. Notamment c'est dans justement le café années 80. Tout à fait. Pericomo, alors je ne sais plus, c'était. Ça doit être. Mais j'ai rêvé où il y a un moment, il y a Michael Jackson qui parle dans Retour vers le futur. Non, c'est un sosie qui le. Ouais, un sosie, mais dans une télé. Dans un écran. Ouais, un sosie peut-être. Mais... Alors, j'ai remarqué une petite erreur. En fait, le jeu auquel joue Marty McFly, donc dans le café des années 80, ouais. C'est sur une borne d'arcade, alors que le jeu est sorti sur console seulement. Oh ouais, tu sais pas. Sur une... Ouais, ils en avoir dans la chronique. Les chaussures qui se lassent tout seuls vont sortir. Elles sont déjà sorties. Oui, elles sont sorties en 2015. Alors Nike avait sorti une première paire, mais qui se lassait pas toute seule en 2011. Mmh. Et là, ils ont ressorti la version qui se lasse, mais qui coûte très très cher. Bah c'est paradoxal. En 2015, et ils l'ont sorti justement le 21 octobre 2015, parce que c'était la date à laquelle. C'est pour Jamel Debbouze, c'est ça. Oh mais... non. Hein. je les ai vus aux États-Unis, et je crois que la paire, elle était à $3000. Vraiment 3 000 $, mais tu ne pouvais pas l'acheter puisqu'il n'y en avait plus. Ouais, ouais. Mais de toute façon, elles étaient déjà toutes vendues le jour de la sortie. Ouais, ouais. Alors après, je ne sais pas si ça fonctionne réellement parce que c'est un peu un gag. Hein. Ah, si, si. Non. Moi, je les ai vues. C'est pas tout à fait comme on imagine. Tu n'appuies pas dessus et puis ça se referme d'un coup. C'est un peu plus. Ça va tout doucement. C'est genre, t'attends. C'est pas le truc. Non. Je vous le dis, non. C'est plutôt ça tient plutôt du gadget que ce qu'on voit dans après, le film. Quoi. C'est la classe, quoi. Quand t'as les chaussures. Se disant que l'overboard, il existe. Alors, il y a des versions qui sont sorties en. On va dire en test. Mm-hmm. Bon, il y a une vidéo qui était avec Tony Hawk qui n'a rien à voir. En fait, c'est un fake. Mm-hmm. Donc, bien sûr. Mais il y a effectivement des gens qui se penchent là-dessus pour avoir un overboard. Alors, il faut avoir un plancher spécial pour pouvoir faire aller le truc. Bah oui, donc tu vois, c'est l'arnaque dans le film. Il passe partout. Ça fonctionne. Bah ouais, sauf sur l'eau. Bah ouais, non mais d'accord. Mais si c'est pour avoir un overboard et que tu fais une installation chez toi, si c'est pour aller dans la salle de bain à ta chambre. Mais ils sont quand même en train d'avancer là-dessus. Donc, dans quelques années, pourquoi pas. Bien sûr. Eh bien, je vous rappelle, merci à toi, hein, Sherlock, je vous rappelle que nous sommes avec Party Song. J'aime beaucoup parce que ça me fait penser à Sausage Party. Vous l'avez vu, Sausage Party, non ? Non. Non ? Moi, je ne l'ai pas vu. Je vais vous expliquer une petite anecdote là-dessus. Et je pense qu'en plus, mon épouse écoute la radio. Bonjour, mon épouse. Voilà. Salut, Tiff. Comment elle s'appelle ? Tiffany. Tiff. Et on l'appelle Tiff. Elle me dit, j'ai téléchargé un dessin animé pour les enfants. Et puis, je suis en train de regarder. Et puis, je fais, mais t'es sûr que c'est pour les enfants ? Ah, bah, tu m'étonnes. Et c'est pas pour les enfants. Ah, non, pas du tout. Non. Je l'ai pas vu. Et heureusement, je suis arrivé à temps. Ouais. J'ai fait stop. Mais en fait, il y a plusieurs grilles de lecture dans ce film. Parce que je suis sûr que les enfants ne comprennent pas forcément. Non, mais bon. Il faut pas qu'ils dépassent 10 ans. Ouais, voilà. En dessous de 10 ans, ils comprennent pas, je pense. Mais après, au-dessus de 10 ans, effectivement, ils comprennent très vite. J'ai arrêté quand même. D'accord, mais tu l'as regardé après avec madame. Non, même pas. Ah ouais. Ah oui, parce que lui, il est fan, hein. C'est vrai. Oh là là là là. Quand il nous a sorti. Non, je connais pas. Franchement, ah bah faut le regarder parce que si, c'est quand même assez plaisant. Il est très bien fait ce dessin animé en plus. C'est des saucisses et des hot dogs. C'est ça, ouais. Les hot dogs qui s'appellent la saucisse, c'est trop excellent. Ah mais ça a tourné ça à un moment donné sur Facebook, non? Ça a tourné. Une séquence de 3-4 minutes. Ah, c'est possible, ça on appelle ça un trailer, ouais. Voilà. C'est la bande-annonce. Si c'est descendu. Ouais, c'est ça. Non, oui, mais bien sûr. Alors, ça n'a pas marché, hein, visiblement. J'ai l'impression que ça n'a pas trop marché dans les salles. Ah, mais j'ai trouvé excellent. Et d'autant plus qu'il existe la version française. Et il y a la version canadienne, et la version canadienne n'allait pas piquer des verres, hein, oui. Je peux vous le dire. Et la version française, ça n'a rien à voir. En fait, ils ont vraiment, ils ont adouci un peu le langage. Mais bon, voilà. Après, c'est pour adultes, je te l'accorde. Pour les enfants, c'est pas. Mais c'était noté comme étant un film d'animation pour moins adultes. De 16 ans, moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Donc voilà. Donc là, on parle de Party Song et on arrive sur Sausage Party. Ouais, alors qu'on n'a aucun rapport avec ça. Non. Du tout. C'est pas la peine de me regarder. Non, aucun. Vous faites pas des chansons pour adultes ? Non. Vous vendez pas des hot dogs ? C'est une idée. Bon, en tout cas, on est avec Party Song. On va les retrouver juste après cette coupure musicale. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va faire ? On se fait une petite coupure musicale avec un titre des années 80. On va demander, à Romuald de faire la roulette song. Encore toujours lui ? Non, on va demander à Laura. Voilà. Laura de faire la roulette song. C'est quoi la roulette song ? J'ai plein de titres des années 80. Je vais faire défiler les titres et tu me dis stop quand tu veux. Stop quand tu veux. quand tu veux. Billy Ocean, alors. Ah ouais, alors, le titre, là, When the going gets tough, the tough get going. Excellent. Alors, Romuald va répéter le titre, vas-y, s'il te plaît. Allez, tu veux. When the going gets tough, the tough get going. À toi. D'accord. When going the stuff, stuff is going. Alors Laura, qui est habituée de la langue anglaise, va répéter le titre de Billy Ocean. Alors vas-y. Alors, when the going gets tough, the tough get going. When the going can stuff, the tough can going. Ouais, bah, dans le genre. Attends, il faut savoir stuff là, le qui tue. Bon, alors, répète le titre. When the going gets tough, the tough get going. When the going gets tough. Listen, and repeat. Un titre qui a très très bien fonctionné. Oui, bien sûr. Ocean, ça c'est clair, quand vous allez écouter, vous allez dire ouais. Bah super, oui, c'était à la poursuite du diamant vert. Exactement. Ah. Brian in the kitchen. Avec Calvin Turner et Michael Douglas. In the kitchen parce que Brian est une cuisine. Oh, c'est bon, je suis en anglais. I am a quiche. Allez. Et après, derrière, on peut peut-être écouter, avant de retrouver Laura en live, peut-être écouter un autre titre de Romuald. La bohème. Bien sûr. Ah bah la bohème. La bohème. Ah ouais, tiens. Allez, là je suis sûr que ça va péter. Allez, la bohème. Attention, ça va être rock and roll. Wow. Pas trop quand même. Non mais c'est beau ça. Allez, c'est parti.

au repas à Spag, je peux faire, voilà. J'ai... Et t'as fait quoi, Dadamo, alors? Vous permettez, monsieur. Ah, ça te va bien, ça. Ouais. Que j'embrasse votre voilà, fille. C'est ça. Donc, tiens, c'est... Étonnant. Et c'est étonnant, tiens. C'est étonnant. Pourquoi ouais. C'est étonnant? Je sais pas, venant de ta part, c'est étonnant que tu chantes ce genre de chansons. Ah, si, si, moi, j'ai fait même, j'ai même fait un medley rétro de Bruel. Donc, toutes ces vieilles chansons, j'adore, moi. De, je sais pas, comment c'est déjà. Marre de cette année-là? Mais non. Je sais pas. Ah, c'est du Bruel quand même. Non, le rétro. Donc, c'est. Bah, rétro Bruel. Ah ouais, les Amours de Saint-Jean et tout voilà, ça. Ah, mais c'est pas Bruel aussi. Ouais, mais voilà, mais j'ai fait le medley de Bruel. Ça, à la sauce Bruel. Ouais. Ah ouais. Ouais. De son album, en fait, des bandes son de son. Elle album. Qu'il aimait tant. Voilà, c'est ça. Saint-Jean. Ah ouais, carrément. Mais alors, c'est équivalent à tous les horizons, quoi. Tout. Ouais, tout, sauf l'anglais. Ah, c'est pas vrai, défends-moi pour l'anglais. Ouais, je te défends pour l'anglais, t'as fait un medley rock l'année passée pour le concert. Ouais. Ah, et, c'était quoi? Et n'oublie Elvis pas Presley. Le mariage qu'on a fait tous c'est les deux, qu'on a été abandonné par Isaline au mariage dans l'église, que j'ai dû chanter une chanson anglaise. Hein? Ah oui, Alléluia. Ben non. Groban. Ah oui, Josh Groban. Ah. You raise me up. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ça lui poursuit. Ah, ah, j'y crois pas. Ça lui poursuit. Allez, j'ai dû le faire. Même quand Canon n'est pas là, Canon sort de ce corps. C'était une demande du des mariés, donc on a dû le faire. Alors tu fais comment? Tu fais comme ça? Tu fais You raise me up. Ouais, ça fait nous un petit. Ah, mais je connais pas. Les... Ah, si, ah, non, mais tu fais juste. You raise me up. Non, non, non, non. You raise me up. Voilà. Tu vas bien dans les hauts, toi, dis donc. Dans les bas aussi. Les bas. Il va bien partout. Oh, oh, mais ça c'est fou. Hein, moi, j'ai mal tourné ça, ici. Hein. Et non, mais en live comme ça, ça rend plutôt pas mal. Hein. Alors nous, on a effectivement donc un animateur qui est avec nous toutes les semaines. Alors cette semaine, il n'est pas là parce qu'il est parti convoler avec Madame dans le sud, je crois. En Espagne, en Espagne. Ouais, en Espagne actuellement. Donc bon, on le salue au passage. Et il adore cette chanson. Et effectivement, quand il fait ses galas, il fait pas mal de galas aussi, pas mal de dates dans l'année. Il chante tout le temps cette chanson-là, You D'accord. Raise Me Up. Et bon, on se moque un peu de lui, évidemment. Mais il l'a fait pour. Il l'a fait tout le temps, de toute façon, cherche pas. Bah oui, c'est ça. Je suis sûr, il va aux toilettes, il chante You Raise Me Up. En fait, il n'y a qu'un titre. Ouais. C'est ça. Bande to Be Alive. Oui, il a fait 4 mariages et une lune de miel. Et il a chanté cette chanson. Et il a chanté cette chanson-là dans le cadre de cette émission, effectivement. Bon, mais c'est une. Ah non, on s'y attendait pas, celle-là. Ah ouais, non, c'est clair. Mais c'est une belle chanson. C'est vrai que c'est une belle chanson. Donc, c'est la seule chanson en anglais. Avec le medley rock, c'est vrai que. Et alors, c'est quoi ce medley rock? Alors, c'est. Du Elvis Presley? Ouais, rockabilly. Ouais, rockabilly. Oh là, du rockabilly. Oh, attention, attention. Presley, attention, parce que là, justement, on a un autre chroniqueur qui est avec nous, qui est Flipkat, qui n'est pas là ce soir. Mm-hmm. Et alors, si vous dites que Elvis Presley, c'est rockabilly. Non, non, non, il y avait plusieurs chansons, c'était un medley. Il y avait du Elvis Presley, il y avait. Forment. Il y avait Bebop Lula. Il y avait Bebop Lula. Il y avait. Blue Sweatshoes. Blue Sweatshoes de. Voilà. C'est Blue Sweat Shoes. Ouais, truc Blue Sweat Shoes, ouais, c'est ça. Les chaussures bleues de Suède. Non, c'est ça. Les chaussures en dindon. Les chaussures en dindon. Ah, d'accord. Blue Sweat Shoes, ça veut dire. Alors, en fait, c'est Blue Sweat Shoes. Enfin, bref, c'est les chaussures en dindon bleu. Ah, d'accord. Ouais. Non, c'est pas. C'est un faux ami, comme dirait l'autre. Ouais, ouais, donc voilà. Ouais, ça ferait plaisir à Flipkat. Alors dites-nous, parce que avant d'entendre, et on a hâte d'entendre donc Laura en live, les prochaines dates, prochains concerts, prochains galas, c'est prévu? Alors on nous retrouve pour le marché de Noël de la ville de Comines. Ah bien. Donc sous le marché couvert le samedi 9 décembre de 17h à 20h. Oui. Donc ça va là. Ensuite, pour l'instant, en planning associatif, je pense qu'on n'a pas de date avant notre grand concert. Donc ça peut se rajouter entre deux. Hein, bien sûr. Ça va sûrement se rajouter. Mais donc on nous retrouve bien sûr le 21 avril. C'est vraiment la date à retenir pour notre association. Donc là, ce sera à la salle de Bawarneton. Ouais, voilà, et ce sera dans la soirée, et ce sera un samedi soir. Ah ben oui, puis on ira à l'info et puis on viendra aussi au marché de Noël, évidemment. J'ai hâte de vous voir en live. Mais il faut venir, il faut pas hésiter. Ah mais non, mais t'inquiète, compte sur nous, on viendra. Est-ce que tu pouvais pas venir, Harry, mais... Ah ouais, moi je rêvais de venir à votre soirée repas concert, mais malheureusement c'est que nous aussi on fait des choses et on est comme vous, hein, on est un peu bohème quoi. Alors Harry, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on écoute Laura ou est-ce qu'on écoute Claude Barzotti ? Ben, on va écouter Laura et on écoutera Claude après. Ok, très bien. On commence par les artistes et puis. Donc, c'était donc Thinking Out Loud. D'accord. Faut pas que je me loupe, hein, parce que. Mais donc, oui, effectivement, donc Laura de Party Song et juste après l'interview de Claude Barzotti qu'on a eu le plaisir donc. De rencontrer, donc il y a une dizaine de jours, donc ah là là, voilà. C'est ça. Allez, c'est parti. When your legs don't walk like they used to before, and I can't sweep you up off your feet, when your master remember the taste of my love, will your eyes still smile from the cheeks? And darling, I will be loving you till we're 17. And baby, my heart could stand for less hard at 23. And I'm thinking about how when people fall in love in mysterious way, maybe just the touch of a hand, or me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am sorry now. Take me to your loving heart. When my head's on a bug and the memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same, 'cause only your soul can never grow all its evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe it's all part of a plan. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Laura Le Terme du groupe de l'association Party Song. Franchement, tu t'appropries aussi la chanson de Ed Sheeran et c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites ça. Ouais, j'adore. Franchement, c'était trop bien. Sherlock. Ah oui, mais moi j'ai bien aimé. Ouais, moi j'ai pas. Mais nous on l'entend a cappella. C'est d'autant plus, c'est d'autant plus méritant pour toi parce qu'on entend, on entend que ta voix et on entend pas la musique et puis aussi techniquement, c'est vrai que ça doit pas être évident pour toi non plus, j'imagine, parce que au niveau technique, voilà. Et puis elle attend un heureux événement. Oui. Non mais la respiration, tout ça, c'est pas la même chose. Attention, c'est pas pareil. Assis, c'est chanter assis, c'est dur. C'est vrai. Assise, enceinte. Oh là là. Quoi que moi, quand je suis aux toilettes, je chante, ça va très bien. Tu chantes quoi? You raise me up, peut-être. Ah ouais, aux toilettes, c'est You raise me up. Non mais Laura, vraiment super. Alors, est-ce qu'on peut dire que effectivement, au passage, tu as participé quand même à un télécrochet assez célèbre. On peut le dire. En France et en Belgique. Alors en Belgique, c'est The Voice Belgium. Et t'as fait The Voice Belgium, toi. C'est ça, oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien, dans l'ensemble bien. Ouais. Ils se sont retournés. Une personne s'est retournée. Qui s'est retournée? Beverly Joe Scott. C'est qui celui-là? BJ Scott. C'est une femme. Je connais même pas. Galloise. Ah bon? Elle est excellente. Ah ouais, non, je connais. Ouais. Je regarde pas The Voice Belgium. Ah bah c'est la plus. C'est celle qui revient tout le temps dans The Voice Belgium. C'est Jennifer de Belgique. Ah ouais, c'est vrai. En France, elle est pas super. Je sais pas si c'est flatteur de dire ça. Je suis pas sûr. Il y a qui dans le jury de The Voice Belgium? Cette année-là, il y avait Stanislas, Quentin Rosiman et les 400 Trees, plus BJ Scott. D'accord, mais il n'y avait pas Lio cette année. Non, il n'y avait pas Lio. Non, non mais BJ Scott. Il n'y avait pas les Big Flo non plus. Big Flo Yoli, c'était l'année passée, et là, cette année, c'est encore autre chose. Ah ouais, non, je ne connais pas du tout. Mais là, cette année, c'est, enfin, entre autres. Gigi Lyonen. Non, il y a. Au secours. Au secours, c'est non, comment il s'appelle? Ils ont des drôles de noms en Belgique. Au secours. On en a parlé juste avant. Le gagnant de The Voice, Slimane. Il y a Slimane, il y a Vita. Oui. Si tu connais Slimane. Oui, oui, je connais deux noms. Après, pas on arrive. Ah oui, d'accord. Mon sac à dos. Ah ouais. D'accord. Ouais. Sinon, alors, donc, il a fait la musique un peu. Il a fait une chanson. Il est déjà dans le jury de The Voice. Mais il n'a pas fait qu'une chanson. The Voice Belgium, c'est The Voice. Ouais. On précise. Ouais, en France, c'est Obispo. Ouais. Bertignac. Il y a eu Bertignac, Garou, on a eu Bertignac. Garou, Patrick Fiori. Ouais, mais le stress y était là quand même. Mais oh, ouais, Bertignac, c'est pas un chanteur exceptionnel, c'est avant tout un musicien. Oui. Je veux dire, voilà. Nous, on a eu l'occasion d'avoir une interview pour RQC et Bertignac, et ouais, on en a gardé un très très bon souvenir, je peux vous le dire. Non. Ouais, donc à mort. Et à l'époque, d'ailleurs, il nous avait fait des confidences sur Carla Bruni. C'était à mourir de rire. Avant qu'elle devienne. C'était son ex. Et avant qu'elle devienne la première dame de France. Et, on a passé un excellent moment avec lui. Je crois même qu'à l'époque, on devait faire une interview aux alentours de 20h. Et on l'a faite à 1h du matin. Ouais, ah on l'a fait à 1h du matin jusqu'à 2h. Mais c'est un truc de fou, quoi. Je peux vous dire que dans les coulisses. Quand on est avec Bertignac et tous ses musiciens, on passe un sacré bon moment. Hein, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On imagine très bien. Absolument, absolument. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale avant de retrouver la retransmission de l'interview de Claude Barzotti. Qu'est-ce que t'en penses? Exact. Au programme, non? Oui, ça marche. Bah, écoute. On va faire la roulette. Ah bah, Romuald réclame la Romulta. Alors il y a... Allez, madame la présidente, on y va. Allez, Isapolline qui souhaiterait... Isapolline, Zaline. Vas-y, je fais défiler les titres. C'est de quelle origine, Isaline? Attends, elle va dire stop avant. C'est une duchesse de Belgique. Ah, non, il muscle. J'aurais rien à dire, mais stop. Tu sais que quand tu fais ça, elle ne te voit pas, elle ne voit juste toi, elle le voit juste à un écran comme ça où il fait. C'est pas très radiophonique ce que je suis en train de dire, mais. C'est ça.

Salut, c'est Partenaire. Salut, c'est Particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Alors, Romuald nous fait part de sa culture en disant « Indochine ». Donc, évidemment, c'est Pierre et... je ne me souviens plus du deuxième prénom, mais... Pierre et... Et l'autre. Plus, c'est mais ceci dit, la formation a changé, parce que, oui. Quand même, à la base, ils étaient trois. Oui, après, ils sont finis à deux. Mais et il n'y a plus que Pierre. Pierre, et donc il a été. L'autre a été remplacé par un autre qui est aussi très sympathique et que vous retrouvez d'ailleurs sur, sur la tournée de Star 80 qui, au mois de décembre, va tourner sur l'île. On y sera. Oui, oui bien sûr. Y sera. Ouais, ouais. On y sera dans les coulisses, on va aller titiller un peu tous les artistes comme on a l'habitude de faire et puis aller voir. Nos artistes qu'on aime beaucoup, avec qui on passe de très bons moments, quoi, oui, sincèrement. C'est clair. Et donc voilà. Et il y a la sortie du film, évidemment, le 6 décembre. Oui, exact. Et oui. Et oui. Donc ce sera le deuxième opus de Star 80. Star 80. Alors, moi, je suis pas fan du tout. Ah, moi j'ai bien aimé. Ah non, c'est franchement le premier, j'ai trouvé ça mais ridicule. Ouais. Je m'attendais à vraiment un biopic, quoi, mais c'est pas du tout le cas. C'est une parodie. Voilà, chacun. Mais non, mais ça m'a permis de retrouver. Moi, je trouve que c'était chouette. Oui, avec Laë. Ouais. Qui chante une chanson d'ailleurs. Il fait, il fait une reprise qui fait une reprise de je sais plus qui, c'est prendre un enfant par la main. Oh non! Yves Duteil! Yves Duteil! Ils ont exactement le même humour, c'est incroyable! Mais je ne sais pas qui copie ça. Je ne connaissais pas ça. Non, je crois que c'était le frère de Brigitte. Non, pas du tout. C'est autre chose. Oh là là là. Bon. Eh bien, nous sommes toujours avec donc l'association Party Song. Oh là là, toujours. Et oui, donc nous sommes avec Isa. Oui. D'accord, cache ton enthousiasme. On va se la refaire. Nous sommes avec Isa. Oui. Ouais, bon, on va se contenter de ça. Nous sommes aussi avec François. Bonsoir. Ah. Il est vieux, peut-être. Ça fait Jean-Pierre Pernaut, je trouve. Bonsoir. Bon, c'est ça, ouais. Dans le Libéral. Dans le Libéron. Dans le Libéron. Nous allons aller voir le musée de la pantoufle. Très beau musée. Nous sommes avec Laura aussi également. J'ose rien dire parce que. Mais si. Oui, après, si. Après il dit c'est pas là. On teste les gens alors. Nous sommes avec Laura de Party Song. Salut. Ah, c'est pas mal. Ouais. Attention, ouais, ouais, ouais. Le meilleur mot à la fin. Le cador. Le gâteau sur la cerise. Nous sommes avec Romuald. Bonsoir. Ça faisait plus Frédéric Mitterrand là. Bonsoir. Bonsoir. Party Song. Non, c'est pas moi. De chanteur. De des chanteurs. Le doyen. Le doyen des chanteurs. Moi, je suis le bébé. Ah ouais. Et la présidente, c'est le bébé. Mmh. C'est la plus jeune. On a les deux extrêmes. C'est vrai. Ouais. Alors, ça commence à quel âge? Ça finit à quel âge? Ça commence à 26. Ah ouais, donc c'est pas... Ça finit à... un bébé, déjà. C'est ça. Ah ouais. Et ça finit à 52, 52 mais c'est pas Romu. Ou... Non. D'accord. Ah ouais, il a changé de couleur, dis donc. Il a eu peur, là. Non, Romu, il a au moins 10 ans de moins. 46. Bah, 10 ans de moins, c'est bien ce que je dis. Tu comptes bien, 52 moins 17. Tu pourrais être mon père, tu peux à 6 ans près, il était bon. Ouais, 6 ans près, il était bon. Bon, on rappelle qu'effectivement, donc, il y a 10 jours, nous étions donc, avec un artiste de cœur, vraiment, avec un gros cœur, et que vous connaissez évidemment dans les années 80. Il a fait Madame, il a fait Je ne t'écrirai plus, mais pas seulement, il y a eu le Rital aussi également, oui. Mais il a fait aussi de super titres dans son dernier. Oui, Aime-moi, Apprends-moi l'amour, voilà. Non, pas, non, je parle pas de toi, mais évidemment, plein d'autres titres comme cela, et un dernier album qui s'intitule, rappelle-moi le dernier album, Sherlock. Le temps qui passe. Le temps qui passe, voilà. Avec des chansons très très personnelles, dont une chanson pour son père, une chanson pour sa petite fille et sa fille, oui. La mom. Et on a eu l'occasion donc de le rencontrer. Évidemment, vous savez qui c'est Claude Barzotti. Donc on l'a eu en interview, on l'a titillé un peu, on lui a posé quelques questions, on a passé un très très bon moment. Et on vous l'a promis, c'est ce soir, et c'est la retranscription. Donc en tout cas, la retranscription. J'ai essayé de faire un peu plus court parce que l'interview faisait un peu plus de 15 minutes. Une vingtaine de minutes d'interview, ouais. Et voilà. Donc là, ça fait 5 minutes 30 à peu près. Eh bien moi, j'ai hâte d'écouter ça quand même. Eh bien c'est parti, on écoute ça tout de suite. Depuis quelques années, on a un engouement, un retour aux années 80. Oui. Vous, ça vous inspire quoi, les années 80? C'était quoi pour vous? C'était qui? C'était quoi? Pour moi, je trouve que c'était les meilleures années. C'était le temps où on faisait encore de belles mélodies avec de beaux textes, ce qui n'est plus le cas actuellement, quoi. Il n'y a plus une vedette, je sais pas, comme Sardou, des gens comme ça. Il y a des oiseaux de passage. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche très très fort. Hein. Alors moi j'ai une autre question, puisqu'on a parcouru votre actualité. Alors on connaît le Claude Barzotti avec tous les succès des années 80, et évidemment, ce qu'on sait moins, c'est que vous avez écrit des chansons quand même pour Dalida, ouais. Excusez du peu, pour Jane Manson. Oui. Pour Morgan qui a participé à l'Eurovision. Ouais, Morgan, j'ai trouvé surtout, j'ai écrit pour une femme qui est exceptionnelle, pour moi c'est la meilleure chanteuse au monde, pour Ginette Renoux. Ah oui, et vous avez fait un duo avec elle d'ailleurs. Oui. Ah oui, ah ouais. Qui s'intitule ouais. D'ailleurs Est-ce qu'on s'aime encore? Merde, qu'on trouve difficilement quand même ce duo. Oui, mais c'était un peu compliqué parce qu'on l'a fait en vitesse, et moi j'ai mis la voix en Belgique, elle a mis la voix, mais elle n'a pas. Elle n'a rien respecté, donc après j'ai dû moi remettre la voix sur la sienne. C'était compliqué, c'était une histoire. J'ai hâte de l'écouter. Vous avez écrit des chansons pour des grands artistes, vous avez aussi écrit une comédie musicale qui a malheureusement été avortée, qu'importe. Vous avez été pongiste, alors ça, un super crack au niveau du ping-pong, faut le dire, quand même, et au passage. Et j'étais deuxième, en fait c'était mon métier, je vais être gymnaste. Ouais. Et j'étais deuxième en championnat de Belgique. Et oui, absolument. Et vous êtes toujours le parrain d'ailleurs. Oui. Et comme la salle n'a plus de subsides de l'État, il fallait que j'aille m'entraîner à Bruxelles. Mes parents étaient super fauchés, donc j'ai pris la Belgique. Toujours, parce que vous avez plusieurs casquettes, vous êtes parrain de l'association donc SDPJ pour le syndrome de Potts-Jegers. Donc c'est vraiment plusieurs casquettes. Aujourd'hui, quel est votre rôle? Celui que vous préférez, c'est lequel? Non, mais moi j'aime tout ce que je fais. Et si je viens, c'est parce que ça me fait plaisir que quelqu'un se démerde pour essayer de récolter un peu de fonds. Ben. Donc je viens gratuitement, j'offre même 25 CD, et plus toutes les photos, donc qui vont eux vendre à 5 euros et les CD à 20. Mais moi, je leur donne, je leur offre. Voilà. Je peux. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Alors, ça confirme bien ce que nous disait Chantal Richard, qu'on a eu en interview. Sloan. Oui. Qui nous a dit Claude Barzotti, vraiment, c'est quelqu'un de très généreux, et ça se confirme. Ah, mais c'était un choriste. C'est moi qui l'ai poussé à faire sortir ce disque-là. Bien sûr. Et on va aller plus loin, c'est que nous, on est amis avec Fabrizio. Fabrizio Gérard. Oui. Il y en avait un qui marchait très fort, en tout cas en Belgique. C'était Claude Michel. C'était son nom. Mal d'amour. Il ne reste plus rien que des souvenirs. On se réveille un beau matin et on n'a plus envie de venir. On a perdu le goût de vivre. Ah bah dis donc, pourtant moi je suis féru de ce type de chanson, ça ne me dit rien. Bon, pas pour moi. On vous retrouve aujourd'hui donc avec un dernier album qui est sorti en 2015. Dernier album qui s'appelle Le temps qui passe. Oui. Nous, on fait toujours la différence entre ce que vous avez pu faire dans les années 80 et ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. C'est très personnel, c'est très intimiste. Oui. C'est des chansons qui nous parlent à tous, avec des sujets plus ou moins graves, bien sûr. Ouais. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est votre inspiration. Comment vous faites aujourd'hui? Mais c'est facile. C'est ce que je vis. Ouais. Quand j'ai écouté donc mon fils se marie, c'est parce qu'elle est venue bêtement à la maison et elle avait écouté la maquette. Et elle me dit, ouais, papa, j'ai pleuré, mais par contre, tu n'as rien écrit pour moi. Je dis, bah, écoute, tu en as déjà écrit 10. Je me suis mis au piano et j'ai écrit la chanson Ma fille se marie. Puis les enfants, quand les enfants s'en vont, c'est toutes des vérités. Je ne cherche rien, je ne sais pas écrire, je ne sais pas inventer en fait. Et comment ça vous vient? C'est comme ça, c'est tout d'un coup, il y a un sujet qui vous parle et vous dites, tiens, je vais écrire une chanson là-dessus ou... Ben oui, c'est les histoires de tous les jours. Là, je prépare un nouvel album qui va sortir, je ne sais pas, dans un an. Oui, ça marche très fort pour moi au Liban. Donc, j'écris une chanson, par exemple, la libanaise. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Vous nous parlez d'un dernier album qui va sortir donc l'année prochaine. Oui. Vous allez rentrer en studio. Oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir... Je suis déjà rentré. Hein. Ah, d'accord. Oui, j'ai déjà commencé. Mais ce qui nous intéresse, c'est un scoop. Quelle peut être la surprise sur cet album? Oui, c'est la première fois que j'ai trouvé un dieu, un génie. Mais je le connaissais de nom, mais je ne le connaissais pas. C'est Jean Musy. Il a fait 350 musiques de films. Et il a écrit sur Google, sur n'importe quoi, ce que vous voulez. Et regardez Jean Musy, M-U-S-Y, c'est un génie. C'est extraordinaire. Alors, du coup, là, ce sera moins personnel, alors? Non, ce sera personnel aussi. Mais c'est pas parce que ça va être plus beau que ça va mieux marcher, hein. Mm-hmm. Donc, comme c'est un peu plus compliqué, ce que j'ai fait, ça va peut-être moins marcher. D'accord. Mais c'est plus beau. Il faut se faire plaisir, moi. Alors c'est un condensé évidemment de l'interview, c'est un extrait, on vous passera aussi sur Facebook la vidéo avec, alors on a fait Sherlock bien sûr, il faut rendre à César ce qui est à César, Sherlock a fait le montage de l'interview et c'est vrai que ça a été très riche, ça a pris... c'était compliqué, il y avait beaucoup de monde autour qui bougeait, donc là c'est peut-être pour ça qu'on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de bruit environnant. Il y avait également des chanteurs qui étaient dans une salle qui n'était pas très loin. Malgré le fait qu'on s'était un peu isolé dans une pièce, on entend à un moment un chanteur qui est en train de chanter pour le plaisir d'Herbert Léonard. Ouais. Donc effectivement, il y a des bruits un peu parasites quoi, qui empêchent à la bonne compréhension de l'interview. Alors, pour la petite information, effectivement, vous l'avez entendu, mais il est en préparation d'un nouvel album qui sortira donc l'année prochaine. Et c'est assez prometteur. Il a des chansons, vraiment. On parle de l'artiste des années 80. Intéressez-vous à ce qu'il fait aujourd'hui. Notamment, il y a un live, vous pouvez retrouver sur YouTube, un live à l'Olympia, où il y a quelques-unes de ses chansons de son dernier album, puisque effectivement, son dernier album, et qui sont assez prenantes. Et honnêtement, on redécouvre le chanteur des années 80 avec un style qui reste le sien, bien sûr, c'est toujours avec sa voix un peu rock, un peu éraillée, mais des chansons plus personnelles, très sympas. Je pense notamment à un titre comme « Je reviens d'un long voyage » qui est très très personnel, et cette chanson, moi, je l'adore. Et donc c'est Claude Barzotti que vous connaissez. Intéressez-vous à son actualité d'aujourd'hui, vous allez avoir certainement quelques surprises. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment une belle personne. Ah oui, franchement, Très généreux, très généreux, et en plus c'est quelqu'un, alors quand on l'a vu, il était fatigué, mais vraiment très très fatigué, et c'est là où c'est pas Romuald qui va me contredire, ni Laura à mon avis, ou encore moins François, c'est que il était très fatigué, il est arrivé, ça va Claude, je suis un peu fatigué, ça se voit, machin... Et on était donc on était en huis clos avec lui dans une petite salle à part. Et après, c'était à lui de aller faire son métier, tout simplement, aller à la rencontre de son public. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'un gros coup d'adrénaline, on lui met une tape au cul. Voilà, faut être honnête. Il y a un de ces gars qui lui met une petite tape au cul sympathique. Et tout d'un coup, il se transforme et ça y est, paf, il part. Mais alors la pêche, et puis il y va, et puis il va dans le public. Et c'est là où, en faisant un peu de scène, comme vous aussi, vous faites de la scène, évidemment, ça vous arrive, vous êtes fatigué, et puis quand vous êtes sur scène, tout d'un coup, il y a un regain de puissance, et on reconnaît, on reconnaît bien ça parmi les artistes. Je crois qu'au mieux, c'est pareil. Les passionnés, et c'est ce que j'ai apprécié en lui, c'est que je me suis dit, c'est vrai, quand on l'a vu, on a dit, ouais, c'est vrai qu'il était un peu fatigué, il a fait de la route, il avait très certainement fait des galas avant, il faisait des galas le lendemain d'ailleurs, et puis c'est dingue quoi, quand même. Je pense que monter sur scène et à la rencontre de son public, c'est une petite dose d'adrénaline qui... Et donc il aime ça, on le voit, on l'entend. Il vit que pour ça, de toute façon, je pense qu'il vit que pour ça. Il a même, je pense aussi, peut-être mis de côté un peu la vie de famille. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son public, c'est ses fans. La scène. la scène, absolument. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier Laurent, au passage, hein, qui est le président donc, du fan club, qui nous a permis de faire cette interview. Et donc, le fan club qui est officiel, c'est important de le dire, parce qu'il y en a plein à côté, il y a des petits fan clubs de quartier. Lui, c'est le vrai fan club. D'ailleurs, vice-présidente, c'est Sarah Barzotti. Donc, forcément, c'est officiel. Si vous voulez rejoindre le fan club, hein, bah, vous tapez directement sur Facebook. Fan club Claude Barzotti ou Laurent Bram, qui est le président. Et alors, le hasard fait bien les choses, c'est que Laurent est, il est du coin, donc voilà. Oui, il est Waterlosien. Il est Waterlosien, donc voilà. Donc, oui, ça permet. Voilà, le contact était beaucoup plus facile, donc voilà. Donc rejoignez si vous le souhaitez, si vous aimez Claude Barzotti, je vous invite à rejoindre donc le fan club. Donc vous tapez Claude Barzotti fan club et vous allez retrouver forcément toutes les infos. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit live. Moi, j'aimerais bien un petit live de Laura Le Terme. Bah ouais, ce sera bien quand même de l'association Party Song avant de retrouver donc les sorties Cinoche pour demain. Est-ce que ça te va, Charlotte? Oui, bien sûr. Est-ce que Laura, ça te va surtout? Oh bah oui. Je voulais choisir. Toujours prête. Allez, un petit en français. Une chanson française, ce serait bien. En français, c'est ou Corneille ou La Reine des Neiges. Corneille. Là, elle veut chanter La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Allez, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, elle va haut quand même. Hein. Ouais, elle va haut. Hein. Ça va haut. Bon, ça va aller. Et alors, ça va te. Alors, donc La Reine des Neiges, on est parti là-dessus. À part La Reine des Neiges, est-ce que tu chantes des chansons? C'est là, si tu veux, je te la laisse. Non, en fait, La Reine des Neiges, c'est vrai que c'est une chanson qui, vocalement, est très très belle, mais on l'a tellement entendue. Oui, c'est vrai. Bon, les enfants l'écoutent en boucle. Bah, c'est pour ça que je le fais, hein, c'est pour les enfants. Traumatisme des parents. Ouais, mais c'est ça, voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas d'enfants, comme ça j'ai pas La Reine des Neiges. Ma fille m'a bassiné avec ça pendant des années. Mais comment ça se fait que ça a fonctionné, ce titre-là? Parce que c'est un titre qui est, ma foi... Parce que justement, il rentre en tête. Ouais. On s'en rappelle. Ah, il est rengaine, hein, c'est clair, il est rengaine. On va tous le chanter pendant 3 jours. Hein. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est ça. On chante surtout le 1er septembre à la rentrée des classes. Là, les parents, ils font libérer, délivrer. Et nous, c'est le temps de jeu. Hein. Allez. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est libérer, délivrer. Hein, c'est ça, oui. C'est bon, on y ça? Oui. Ok, c'est parti. Dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Me voilà, oui je suis là, perdu dans l'hiver. l'âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelées. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Pour moi, le prix de la liberté. Ouais. Bravo! Il faut assurer. C'était la couchée. La bande dernière note, elle fait mal. Je crois alors, qu'elle allait accoucher sur place. Ouais. Vous voyez son ventre. Je dis, elle va être libérée tout de suite. Là. Le reste événement, il est prévu pour quand? Dans 4 mois. Ah ouais, bah arrête de chanter cette chanson-là parce qu'à mon avis, ça va être un prématuré. Il va sortir. Mais tais-toi! Elle m'a même pas tapé. Alors franchement, c'est une vraie performance vocale. Ouais. Alors après, la chanson, elle est escalée, hein, mais c'est une performance vocale. Ah ouais, non, honnêtement, c'est une belle performance vocale. Alors c'est un titre qu'on peut retrouver d'ailleurs dans quand vous faites vos galas, c'est dans la cette liste, j'imagine. Mm-hmm. Bah, c'est un peu la signature de Laura, celle-là. C'est pour ça, je pense qu'elle a souhaité la présenter ce soir aussi. Surtout à Moucron. Laura est un style. Ouais. Laura, elle travaille beaucoup avec les enfants. Elle adore ça. Donc tous les défauts quoi. Mais c'est la petite chanson aussi qu'il faut le dire qui nous a un petit peu lié avec Chiara. Ah la oui. La petite juste qui s'est fait transplanter il y a pas très longtemps. Oui. Et c'est la chanson. Quand je suis allée la voir à l'hôpital de Gand, elle était avec la tablette, elle était occupée de me regarder chanter cette chanson. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil que je fais à chaque fois pour la petite Chiara. J'enverrai un petit message demain à Jean-François, le papa de Chiara, pour qu'il écoute le podcast. C'est vraiment pas d'anglais. On a compris. C'est pas vraiment de l'émission. Ça marche. Alors, il nous reste quelques minutes. Vous êtes encore avec nous. Après, évidemment, on va arriver sur la fin de notre émission. Malheureusement, comme quoi on passe du bon temps avec Party Song et que quand on passe du bon temps, ça passe très vite. Bah, avant la fin de l'émission, on s'écoutera encore un petit live. Ah oui, bah, j'espère bien. J'espère on va bien. Un petit SIA. Moi, j'aimerais bien SIA. Allez, SIA. Ça marche. Eh bien, avant de retrouver Party Song, qui est avec nous depuis le début de l'émission, et ça nous fait bien plaisir, Sherlock va certainement, peut-être ou pas, vous donner envie de vous réfugier dans les salles obscures, puisqu'il va nous parler des sorties Cinoche qui auront lieu demain en France et en Belgique. Eh oui, effectivement, allez, c'est parti. Que se passe-t-il, R2? On m'appelle déjà pour la sortie ciné. Bon, ok, c'est parti. Alors, je t'explique, Romuald, et puis pour tous les gens de Party Song, on a des problèmes budgétaires. Donc, cette émission est entièrement faite à la bouche. On les fait à la bouche. On les fait à la bouche. Un peu comme dans le film Les Nuls. C'est ça, oui. Ploc. Voilà. Tu fais super bien le chat, c'est ça. Non, mais j'adore la tête à Romuald qui regarde. Tu fais, mais c'est quoi cette bande de banque? Non, pas du tout. J'étais en admiration. C'est de l'admiration. Donc oui, effectivement. Donc les sorties ciné, je vais commencer avec la Belgique pour demain, donc 1er novembre. Si les gens ne veulent pas aller forcément au cimetière, il y a des endroits peut-être plus sympas. Ouais, c'est vrai. Mais il fait plus chaud dans les cinoches. Hein. Non, le cimetière, tu vas le matin, le cinoche, tu vas le soir. Hein. Ou l'après-midi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous pouvez aller voir Logan Lucky avec Channing Tatum, Daniel Craig et Adam Driver. Oh. C'est un film de Steven Soderbergh. Alors, c'est celui qui a fait Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Oh! 14, 15. Non, ça s'est arrêté. Il s'est arrêté à 13. Il a commencé les cours d'anglais, Romuald. Voilà. Alors, et donc, c'est sorti en France déjà depuis le 25 octobre. Donc, c'est l'histoire de deux frères pas très futés qui décident de monter le casse du siècle, empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l'année. Et donc, pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays, et il s'appelle Joe Bang. Le problème, c'est qu'il est en prison, donc ils vont déjà devoir le faire évader. Et là, ça va être le début des, bah, le début des problèmes, en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc, donc Joe Bang est interprété par Daniel Craig. Adam Driver, si vous connaissez un peu l'univers de Star Wars, c'est Kylo Ren, le nouveau grand méchant de Star Wars. D'accord. Mais je suis pas très Star Wars. Ça dit pas grand chose à grand monde ici, apparemment. Hein. Bah, non, non, moi non plus. Hein. Bah, moi, les premiers épisodes. Ouais. Mais après, non, mais là, c'est, là, là, c'est dans, moi, là, c'est dans les derniers. Le nouveau grand méchant, en fait, le fils de. Ouais, ouais, Star Wars 12, je sais pas quoi. Là. Non, c'est le 8 là, qui va sortir. Le 8, il rencontre quand même. Ouais. C'est n'importe quoi. Alors, ensuite, donc, sort demain en Belgique et en France le film Jigsaw. Donc, c'est en gros. Oui, ah ouais, Saw 8. Ah ouais. C'est Jigsaw. Donc, avec Tobin Bell, Matt Passmore et Callum Keith. C'est d'horreur, ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est un film de Michael et Peter Spierig. Ça sort donc en France également demain. Et donc, après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de 10 ans. Un nouveau jeu vient de commencer. John Kramer est-il revenu d'entre les morts pour rappeler au monde qu'il faut sans cesse célébrer la vie? Ou bien s'agit-il d'un piège tendu par un assassin qui poursuit d'autres ambitions? Alors effectivement, j'ai vu la bande-annonce, c'est assez prometteur. J'espère que c'est mieux que les tout derniers sauts, parce que c'est vrai qu'ils étaient repartis dans une routine. Moi j'adorais saucisse et saucette. Oui, n'empêche, saucisse c'était une vraie boucherie. Oh là là. Mais c'était vraiment, oui, non, mais il y en a eu 7. Saucisse et saucette. 1, 2, 3, saucisse et saucette. Mais moi, ouais. Moi je suis fan, franchement je suis fan. Oui, oui. Après ça devient n'importe quoi, après le scénario on oublie. C'est parce ça. Que ça devient un peu redondant. C'est ça. Alors j'espère qu'ils sont repartis avec un vrai scénario, parce que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Ensuite sort demain en France et le 15 novembre en Belgique le film Daddy Cool avec Vincent Elbaz, Laurence Arnay et Grégory Fitoussi. C'est un film de Maxime Govard et donc c'est Adrien qui a 40 ans et qui est totalement immature. Il se fait larguer par Maud, 35 ans, donc sa compagne, désireuse d'enfin fonder une famille. Mmh. Et donc pour tenter de reconquérir l'amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal, une crèche à domicile, et donc c'est le début d'une improbable expérience éducative. Au vu de la bande-annonce, ça m'a fortement fait penser à École paternelle avec Eddie Murphy, qui était sorti il y a quelques années. Ouais. Bon, là, il se retrouvait au chômage et il décidait de monter une crèche, mais en fait, le pitch de début est un peu le même, quoi. À part que là, il risque de se faire larguer et qu'il veut. Là, c'est un film français. Ouais. C'est un film français. Il y a des petits gags assez sympas, sympa, notamment des petits pseudos qui donnent aux gosses qui sont assez rigolos. Ah ouais. Et je vais finir enfin avec Geostorm, qui est donc un film catastrophe avec Gérard Butler, A.B. Cornish et Ed Harris. C'est un film de Dean Devlin et ça sort en Belgique également demain. Donc grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle désormais le climat et protège les populations jusqu'à ce que le dispositif se dérègle. S'agit-il d'un complot ou d'une faille dans le système? Un designer doit travailler main dans la main avec son frère pour sauver le monde d'une terrible tempête. S'engage alors une véritable course contre la montre. Effectivement, apparemment, il y a un pirate qui a réussi à craquer les satellites. Jack Sparrow. Non, pas un pirate. Non, un pirate informatique. J'ai pensé pareil. Harry, tu sors. Non, plus un pirate informatique et qui apparemment a réussi à pirater les satellites et commence à jouer un petit peu avec et il dérègle complètement le climat. Il va y avoir des raz de marée, des tempêtes, des éruptions volcaniques, enfin plein de choses, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on risque d'avoir peut-être dans quelques années. Hein. On sait jamais. C'est déjà bien parti là. Hein. On a déjà Macron en France, donc. C'est vrai. Ça commence. Hein. C'est vrai. Voilà, voilà. Et ben on va faire un tour de table justement pour déjà savoir s'ils ont bien écouté. Hein, Oui, alors Romuald. Ouais. Tu vas voir quoi. On l'a réveillé, dis donc. Daddy Cool. Oh. Non, mais c'est simplement pour parler en anglais. Hein. D'accord. Bah, de toute façon, c'est que des, c'est que des titres en anglais cool. En plus. Parce que moi, Daddy Cool. Daddy Cool. C'est le deuxième effet. Alors. Oui, t'as pas Daddy Cool, toi aussi. C'est Daddy Cool, moi. Je t'ai jure. Daddy Cool. Je t'ai jure. On va les laisser à deux, ils ont l'air de bien les bêtes, ouais. Ouais. C'est vrai. C'est bon. La bon, Harry. Ah, moi aussi, j'ai dit cool. T'as dit cool, toi. Ah bah forcément bon. Ça y est, c'est parti pour la soirée. Alors moi, sincèrement, Jigsaw. D'accord. Sans hésitation, mais après... Je me doutais un peu. Pas sûr que j'irai le voir au cinéma. Mais oui. C'est sûr que j'irai, je le verrai, évidemment. Et alors, est-ce que tu es allé voir, justement, Happy Birthday de la semaine dernière? Ah oui, oui, alors, ça donne quoi? Bah je sais pas, je te demande si tu l'as vu. C'est la question. Non, bah non, mais je vais plus au cinéma, possible. Moi. Hein. Plus de temps. D'accord. Non, allez, du VOD, ouais, je le fais, moi, sans problème, mais bah, j'ai pas le temps d'aller au cinéma. Je travaille, moi, monsieur. Bah, il y a pas longtemps, on le sait, maintenant. Hein. Alors, non, Onissa, justement. Tu irais voir quoi, toi? Qu'est-ce que tu irais voir? Ouais, j'ai dit cool aussi, moi. T'en as 10, toi. Ah ouais. Non, mais j'ai de la place pour en mettre. Bah, on peut, il est passé 22h. C'est vrai. Ah bon, non, c'est pas grave. Demain, c'est jour férié. Alors, c'est l'histoire. Bah justement, c'est deux fois plus. C'est encore 10 fois plus cool. Allez, Laura, qu'irais-tu voir? I know me remember. Là, franchement, il n'y en a pas vraiment qui me donne envie d'aller voir. C'est vrai? Mais le truc avec la crèche, ouais, ça... Daddy Cool. Daddy Cool. Voilà, Daddy Cool. Mais je vais pas le dire, moi, le truc avec la crèche. Ok, François? Saw, moi. Jigsaw. Ouais, Jigsaw, d'accord. Ouais. Ah ouais, donc il s'intitule Jigsaw, alors. Ouais, Jigsaw, ouais. Ok. Et enfin Isaline. Ma daddy cool. On sait qu'il a du cool. Et toi, Charles? Ouais, Jigsaw, je pense. Ouais, ouais. Et on irait peut-être. Mais j'irais bien le voir avec toi, tiens. Ah. Oui, j'irais bien aussi. En fauteuil duo. Je serais allé voir Annabelle. Est-ce que vous êtes déjà allé au Forever à Moucron? Forever? Non. Forever. Au Forever. Au Forever, chez nos amis Françoise et Benoît, en fait. Il y a des fauteuils, ouais, ça c'est sûr. En VIP. Double fauteuil. Ouais, double fauteuil, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça c'est génial. On boit du champagne et tout. On en VIP, ouais, tu peux aussi. Ouais. Après, tu peux louer une salle privative, mais bon, c'est un certain prix quand même. Mais on peut y être à une trentaine, je crois. Une trentaine. Ah, c'est plus des sièges duo, ça. Hein. Non, mais après, t'as le petit tablette. J'ai mon homme qui est allé avec son frère. Et ils ont tellement été malins qu'ils ont pris chacun un siège double. Ils ont tout compris. Ils se sont dit, on va être mieux placés si on paye plus cher. Bah non, en fait. Mathieu, si tu nous écoutes. Donc ils se sont allongés sur le siège pour regarder le film. Bah, du coup, ouais, ils ont pris leurs aises. Ils ont pas vu la fin du film. Si, mais c'était pour voir quel film en plus qui était sorti à Moucron, mais pas qui. Parce que nous, on comme. Emmanuel Bien sûr. Non. Non. La vieille génération, tu crois qu'elle connaît ça. Emmanuel, ah, peut-être. C'est le truc avec le clown là. Emmanuel, Emmanuel avec le clown. Ça. C'était pas sorti par chez nous, c'était pas sorti au Kinépolis Salom, mais c'était sorti à Moucron. Le fameux clown qui est assis sur un siège en osier. Et n'empêche que les références de Romuald datent de 1974 quand même. Ouais, bah, tu as 15 ans. Je m'en souviens. Depuis, il déteste les clowns. Bon, du coup, je sais même plus où on en est. On va se faire une petite coupure musicale avant de retrouver. Oui, on va terminer là-dessus. Allez, ça va être le. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi tu me touches? Ah, d'habitude, tu dis rien. Non, mais là, il y a Romuald, donc. Ouais, c'est vrai. C'est mon responsable qui est avec moi. On va se faire un petit roulet de song pour la chanson. Un titre, et puis après, on va terminer là-dessus. Alors, qui n'a pas encore fait le roulet de song? François, je pense. François, non, Romuald n'a pas fait le. Ah non, Romuald. Alors. Non, je retire ce que je viens de dire. On va faire une petite dédicace justement pour Arnaud. Ah, ok. Arnaud qui souhaiterait un titre de Étienne Dao pour Kiko. C'est bien ça, hein? C'est ça. Donc pour Kiko, alors je ne sais pas qui est Kiko, mais. Une marque de poussette. Je suis donnée en ce moment, alors je un magasin de maquillage. Oh, si, moi, je suis pas Chien sûr d'Ao. Que les magasins de poussettes, ça l'intéresse, quoi. Hein. Tu vas faire chaud une poussette à tout. Du coup, c'est Romuald qui va nous faire a cappella, donc Étienne Dao. Ah oui, alors, bien vas-y, sûr. S'il te plaît. Ah non, je connais pas. Non, mais je voulais faire une. C'était simplement une blague. Hein. Quand je disais j'imite Étienne Dao, c'est. We can aroma, monsieur, la personne. C'est un peu ça. Donc, voilà. Un petit titre, c'est un peu ça, si c'est moi. Titre d'Étienne Dao. Donc, c'est pas mon titre non plus, Étienne Dao. Mais... Donc, dédicace du jeune Arnaud pour Kiko. donc un titre d'Étienne Dao. Qui n'est pas une poupée. Est-ce que t'as ça? Et Paul Tatou. Ça peut être un lit aussi. J'ai acheté le Kiko Next to Me. Ah, il y a tout chez Kiko en fait. Kiko Next to Me. Donc Étienne Dao avec Épaule Tatou. Ah oui, c'est bien ça. Allez, on se retrouve juste après. Ça marche. Voilà, donc pour Arnaud, c'était donc... Non, c'est pour Kiko. Kiko, ah oui. Dédicace spéciale d'Arnaud. Oh, tatou, la Ah bah n'empêche, il marche bien, hein. Il marche toujours autant, hein. Etienne Dao reste une. Ouais, bon, on comprend toujours rien, mais. Un chanteur emblématique. Non, non, quand même. On comprend tout. C'est pas pareil. Ouais, enfin, ouais, c'est vrai. C'est, t'as c'est tout, vrai on a compris, t'as c'est, tout. C'est vrai qu'à les moments, il fait. Et après, il revient. Bon, la seule chose que j'aime bien chez Etienne Dao, c'est quand c'est Laurent Gérard qui l'imite. Ah bah ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, quand, moi, ce que j'aime bien chez Etienne Dao, c'est quand il s'arrête. Oh, c'est méchant, c'est méchant. Et quand tu l'auras en interview, tu seras bien content, salopard. Non, pas forcément. J'irai peut-être pas. Après, non, non, mais j'adhère pas. Enfin, je trouve que ses chansons sont sympas, mais je trouve qu'il a pas de voix. Ah non, non, c'est sûr. Donc, mais c'est tout simplement un chanteur emblématique de l'époque, oui, les années 80. Et puis il a son public et ça fonctionne toujours autant. Hein, faut pas croire. Ouais, non, mais je comprends bien. Et sur ce coup-là, enfin, je te rejoins. C'est un bon interprète, mais je comprends pas tout ce qu'il dit, donc ça me perturbe. Tu préfères des chanteurs comme Gigi Lionel, tu comprends tout ce qu'il dit. Bah voilà, oui, voilà. La danse des canards. Ouais, ah, il est venu me voir, ce monsieur, pour me féliciter. Ah bah ouais, bien sûr, bah alors. Ouais, je connaissais pas. Ah ouais. Arnaud l'a rencontré il y a pas trop longtemps. Ah ouais, je le connais personnellement. Il le connaît personnellement. Bah, il est venu Arnaud. Voir, il est venu nous voir à Bavarne. Il est du coin à coin. Il est du coin à coin. Tu as osé. Ah ouais, et oui, le maître, j'ai dépassé le maître. Bon, ils sont du coin aussi, mais ils sont plus de communes quand même. Et ils sont avec nous, c'est. Party Song, eh bien on va clôturer cette soirée par un dernier chant en live de notre amie Laura Le Terme. Le temps de vous rappeler aussi, parce que c'est vrai qu'on devait l'annoncer, j'ai un peu pris du retard, mais effectivement donc le 11 novembre, donc à la salle de la Grange à Moucron, on va avoir donc l'élection de Miss Luigne, donc qui va donc succéder à Michel Boulanger. Et oui, on ne sait pas encore, donc il va y avoir pas mal de candidates. Donc ça se passe le 11 novembre, donc à partir de 18h30, mais les portes s'ouvrent à 17h30. Placement libre, donc il faut faire très très vite. Alors Pascal qui s'occupe donc de l'élection nous a dit qu'il restait que quelques places. Je crois que parmi le jury, tu en feras partie, mon ami Sherlock. Oui. Et ouais, tu seras aux premières loges. Il va me mater. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Sherlock, bah, vous regarderez, hein, il est au niveau du jury, c'est le seul qui bave. C'est ça, ouais. C'est le seul qui bave et qui fait Fé-fé. Voilà. Non, mais il y aura aussi des mystères. Il y aura des, ouais, il y aura des mystères. Il y aura, bah, c'est à ce moment-là où tu vas baver. C'est ça, ouais. Avec son appair. Donc voilà, donc bah, ça nous fait plaisir puisque l'émission 80 à l'heure donc aura son représentant et pas des moindres puisque c'est Sherlock qui sera là dans le jury. Moi je viendrai te rejoindre juste après, hein, oui, évidemment. Et pour l'occasion, bah, ils seront avec nous donc la semaine prochaine. On aura donc Michel qui sera avec nous, donc Miss Luigne et les Dauphines. Donc il y a Pomme évidemment, Pomme Dauphine. Bah voilà, la fameuse Pomme Dauphine. Non, je ne me rappelle plus des dauphines. Vous êtes deux mêmes en fait. Il y a la voiture aussi. Hein. C'est une catastrophe. Ouais, la voiture dauphine. Il y a, ouais. Dauphine, ouais. Il y a la voiture dauphine. Ouais. Et non, on n'est pas pareil. Eh ouais, bah ouais, c'est comme ça. J'ai rencontré ton sosie Romu, tu rends compte? Ouais, ouais. T'es pas encore une star et t'es déjà une sosie. Bon, je peux te tutoyer, Romu? T'es une bouille, bien sûr. Je t'emmerde. Bon. Ok, eh bien donc on va terminer sur Laura, Laura Le Terme. Ah non, on va finir Laura. ouais, attention, alors, moi je fais quelques petites imitations, mais attention, Romuald fait les bruitages en plus, les bruitages de fouet. Il fait du beatbox aussi. si. Non, tu veux pas ça toi? Eh bien, on va accompagner Laura au beatbox. Donc, il y aura évidemment Romu à la batterie. Vas-y, s'il te plaît. C'est plutôt. Non, c'est on n'a pas dit course hippique, on a dit batterie. Ah, Sherlock, il le tient. Et, ouais, ça c'est pas mal. Et alors attention, je peux même vous dire qu'il y a Sherlock qui va nous... C'est sûr que François il fait ça. Alors, ouais. Sherlock... Batterie avec la bouche. Non. Si, tu fais quoi? Tu fais quoi avec la bouche? Il y a un qui est d'électro, l'électro. Ah, tu fais d'électro avec la bouche? Non. Ah ouais. Je sais pas ce que tu fais. Ah bon? Non. Ouais. Alors, on est en train de perdre Isaline. Non. Si, parce que là, elle va finir sous la table. Elle glisse. Elle est trop petite, la présidente. La présidente est toujours la plus sage. Hein. Ouais, d'accord. Mais Sherlock peut nous accompagner aussi au cas où. Oui. Fais-nous un petit coup de Europe au cas où. Ça, tu fais super Europe. Bien. Ah ouais. Final Countdown. Ah ouais, attention. Ouais, très bien. Il a dit The Final Countdown, mais. The Final Countdown, c'est le dernier préservatif. Dernier préservatif, Final Countdown. Vas-y, fais-le nous un peu. Alors, on est d'accord, Sherlock au cas où. Sherlock au cas où, oui, bah, Romy donc à la batterie. C'est Zaz. De l'amour, de la joie, de l'amour. C'était Zaz. Patrick Sébastien. Ouais, moi aussi. Salut, c'est Patrick. Non, Patrick Sébastien, c'est des. Non. Salut, c'est Patrick. C'est que de l'amour. Patrick Sébastien, on les a tous perdus. Allez, c'est bon. On va peut-être laisser Laura chanter. Ouais, quand même. Si elle y arrive. C'est bien ce que vous faites. C'est rigolo. On va nous faire tourner les serviettes. Golo. Alors, et donc, tu vas nous interpréter une chanson de Sia. Ouais. Ça change un peu de registre quand même. Oh, bah, il nous fait le scieur. Mais si, on. Allez, on va écouter Laura. Je crois que ce sera mieux quand même. Allez, c'est parti. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as as long as I can feel. belle interprétation du titre de Sia. Alors rappelle-nous le titre parce que moi je retiens pas par cœur. Mais, Cheap Thrills. D'accord. Répète Romuald. Ouais. Eh bien, il est quand même. Oui, dans 5 minutes, il faut rendre l'antenne, hein, puisqu'il y aura les scénettes incessamment sous peu. Donc, le temps de remercier l'association Party Song, de vous rappeler que pour les retrouver, vous allez sur Internet, hein, vous tapez sur Facebook Party Song, ouais. Comme ça se prononce, un P-A-R-T-Y, plus loin Song, S-O-N-G. Nous, on a effectivement partagé la page de Party Song. Si vous voulez les redécouvrir, voir leurs vidéos, leur enregistrement, vous allez retrouver Romuald, vous allez retrouver Laura, vous allez retrouver Isaline, François, tout le monde. Les musiciens, on retrouve Alain, on retrouve Emeric, on retrouve nos deux Karine, on retrouve Zourab, Georges, Choupi, tiens dis donc. Oui, c'est notre batteur, c'est Choupi. Thierry, voilà. Ouais. C'est parce que quand il lève les bras, il fait trois pommes. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Harry, de nous avoir invités. Oui. C'était un vrai plaisir. C'était un super moment. C'est ça. Non, mais là, je vais être sérieux 2 minutes. Pas 2 minutes, mais au moins 10 secondes. Tu m'as fait peur. 2 minutes, c'est compliqué. Non, mais voilà, je vous remercie de nous avoir accueillis. C'était un vrai plaisir. Ça nous met un petit coup. Le pouce. Précise bien. Le pouce. Voilà. Et puis j'ai laissé le dernier mot à ma présidente Isaline, oui, qui fait ça mieux que moi. Ça va, mais merci à Ticou. Voilà, merci à toute l'équipe de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir. Merci à tous les auditeurs, bien sûr, d'avoir suivi cette émission. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de venir ici et de passer ces quelques heures avec vous. Voilà, donc merci à tous. J'espère vous revoir très vite, hein, que ce soit ici ou chez nous. Bien sûr, nous avec plaisir. Et de toute façon, vous serez bien sûr les bienvenus. Hein. Alors, dernier rendez-vous, c'est au mois de décembre, donc au marché de Noël de Comines. Le 9 décembre. Voilà, le 9 décembre de 17h à 20h, on animera le marché de Comines Warneton, qui se fait donc place du marché couvert à Comines. Voilà. C'est noté, on va mettre ça sur nos tablettes et évidemment le 9 décembre on y sera, on ira faire un petit saut quand même pour aller voir la formation complète. Vous serez tous là ou non, ça... Tous non, non. Mais une bonne partie sera présente. Écoute, il y aura des beaux morceaux en live, on va faire du live. Et d'autres chanteurs. Ouais, mais toi, tu pourras plus aussi. Ah, mais jusqu'au 26 février, elle peut. Je vais faire des chansons qui ne montent pas. Ah. Tu vas faire du Dao alors. Je fais pas libérer. Ah bah on viendra. Elle va chanter du Dao. Ah bah oui. Je vais chanter du Maria Carré. C'est ce que j'allais dire. Elle va déjà chanter du Maria Carré. Elle a pas le choix. Ah mais je suis sûr que tu vas nous chanter la chanson de Noël de Maria Carré. C'est ça. Avec Isa. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Waouh, j'adore celle-là. Hein? Ah bah oui. Non, je vais pas chanter. Non, t'inquiète. Non mais j'adore cette chanson. Qui est une reprise hein, d'ailleurs au passage. Mais oui. Moi je vais en chanter deux en anglais. Ah, tu as chanté quoi? Noël, je chante White Christmas. White Christmas. Et Blue Christmas. Non, white sérieux? C'est bien, sérieux? Fais toutes les couleurs du Christmas. Je fais toutes les couleurs de Christmas, moi. Ah ouais, d'accord. C'est pas emmerdé. Ah ouais. White Christmas, je connaissais, mais Blue Christmas. Ouais. C'est Christmas, c'est plus du rock, ça, non? C'est Elvis Presley. Ah ouais. heureusement que on n'a pas la vidéo, on nous réclame tout le temps la vidéo, mais non, on peut pas. Non, ça valait la peine aujourd'hui quand même. Eh bien, on va se quitter sur ces dernières paroles. Le temps de vous rappeler que donc la semaine prochaine, nous serons avec Miss Luigne, donc 2017, qui va rendre sa couronne donc le 11 novembre, donc à la salle de la Grange à Moucron. Et puis on aura aussi notre ami Didi Stéphache pour le défi 80 qui sera avec nous. Voilà. Et puis on retrouvera aussi Flipkat qui sera là aussi également. Et Canon normalement, si tout va bien, logiquement, il revient de la péninsule ibérique. Et je parle bien quand même. C'est ça, ouais. Olé, ouais, c'est ça. Ouais. Il revient d'Hispanie. C'est vrai. Parce que moi, j'ai lu un Astérix dernièrement, donc. Ouais. Là, c'est en Italie. C'est... Ouais, la transitalique. Ça marche. Eh bien, sur ces belles paroles, ça portez-vous bien. Okay. Et puis, on se retrouve de rien. Vous aussi, merci. Rentrez bien et prenez soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et restez à l'écoute de RQC, puisque on émet donc 24 heures sur 24. Et là, on va voir nos célèbres petites scénettes que vous adorez tant. Oui. Eh ben, on se retrouve donc avec Hector pendant quelques minutes et ensuite les scénettes. Et ben ça marche. Et Charlotte, bah, ciao, salut Onissa. Merci tout le monde. Ciao. Merci.